quand je ne pars, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta voix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis lotie dans tes bras. Je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis plantée dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité, et en retour je promets de sens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie. Le club Claude Trabi, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir Frère Julien. Comment elle va Shana? Shana va très bien, grâce au Seigneur. Et comment elle va Aurélie qui me regarde là en plein écran? Mais attends, pendant qu'on y va, est-ce que la sœur Félicité est dans la femme de la sainteté? Je suis dedans. Ah, ok. Au début, je crois qu'on ne t'entend pas là, ton micro, ou c'est moi qui. Ou c'est quoi qui dérange là? Et toi? Ton micro. Ok, je ferme mon micro alors. Je disais que je suis dans la femme de la sainteté. Mais alors, j'avais lu déjà au début que si tu ne peux pas continuer, il ne faut pas commencer. Donc, je suis en train de me préparer pour ne pas pouvoir m'arrêter. Quoi. Ok, c'est bien. Donc, tu te prépares, tu prépares bien ta monture pour pouvoir bien voyager loin encore. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La sœur Odile, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir, ingénieur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, mes sœurs. Tu as de l'énergie aujourd'hui? Beaucoup d'énergie. Un tout petit peu. Ça va aller, d'accord? Oui. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis flottée dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Je suis flottée dans tes bras. Chauffée de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. Bonsoir à la sœur Mireille et bienvenue. Ta voix, je m'en lasse. Bonsoir, frère et soeur. Ça va, ceci de micro. Ça va, Denis. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Ça va, par la grâce du Seigneur. La sœur Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Toujours calme, n'est-ce pas? Amen. Le frère, la sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue. On ne te voit pas. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vois? Oui, je vais mettre mon... Oui. Bonsoir, shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. Bonsoir, shalom. Shalom, Emmanuela. La sœur Myriam, bonsoir et bienvenue. Chaque fois, ta vidéo n'est pas ouverte. Aujourd'hui, encore, tu as oublié le foulard. J'ai pas encore acheté un nouveau foulard. J'ai commandé ça. Ah, j'avais oublié qu'en Angleterre, oui, chez les Blancs, là, c'est difficile d'avoir le foulard. Ouvre ton micro. J'ai ouvert. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Nous voyons avec sans risque de se tromper que les femmes sont à 100% au rendez-vous aujourd'hui. On s'en dit que apparemment, les femmes, d'après les statistiques, les femmes peut-être cherchent beaucoup plus de Seigneur que les hommes alors. C'est amen, ça. Amen, amen, amen. Ah, bon, on y va donc ce soir, d'accord? Amen. Je suis à votre service. Je prie que le Seigneur, par son esprit, bombarde sa parole ce soir et l'applique sur nos cœurs afin que nous vivions toujours et demeurons dans cette parole-là. Que nos voix, nos actions, nos pensées soient guidées toujours par sa parole et que son esprit nous conduise. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Alors, amen. Je suis donc à votre service. Si vous avez des questions, posez-les. Y a-t-il pas de questions dans Belgique aujourd'hui? Ou bien vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué de cette Bible-là? Ou bien fatigué de la parole? Ou fatigué des choses de la vie? Le frère Trabib, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs. Le seul coq dans la basse cour. Bonsoir. Pour l'instant. Bonsoir, frère fidèle. Il est fidèle à bonsoir, son service, n'est-ce pas? Oui, amen. C'est ça, même. Vous savez, il y a des gens comme ça avec des noms bizarres. Vous voyez quelqu'un qui est innocent. On l'appelle innocent, mais c'est elle le plus grand des coupables. Les gens qu'on appelle fidèles. Et c'est le grand infidèle. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Il ne veut même pas entendre parler de Dieu. Quelqu'un s'appelle Christian, chrétien. Il ne veut même pas entendre parler de la Bible. Pas vrai? Quelqu'un s'appelle Simplice, mais il est tellement compliqué. J'ose croire donc que pour toi, Odile, fidèle est vraiment bien, non? Oui. Vous allez voir un frère ou bien un frère qui s'appelle Constant. Il est inconstant même dans ses prières. La seule question qu'on me pose toujours, on me dit, quand je m'appelle fidèle, il dit, ah, c'est un beau prénom. Est-ce que tu es fidèle? Et toi de répondre? Il dit, oui, je suis fidèle au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'attends des questions. Mon stylo est là. Les feuilles sont là. prête à prendre vos notes et vos questions. S'il n'y a pas de questions, on prend un sujet dans la Bible et on voit ce que le Seigneur, là où le Seigneur veut pour nous ce soir. Vous avez certainement les questions comme la sœur Cézanne Claudon. Elle a certainement les cartons de questions, des cahiers de questions là-bas. Oui, j'en ai toujours, mais je ne me retrouve pas souvent à l'heure. Oui, à l'heure de la prière, à l'heure de l'enseignement, on ne se retrouve pas. Pourtant, on a une semaine de préparation. C'est ça. Frère Junior, en fait, moi, je peux dire que c'est... On a été beaucoup dans l'Apocalypse pendant cette semaine, mais c'est difficile, on n'arrive pas à comprendre à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin. Il y a des chapitres qu'on ne comprend pas, mais il y a des chapitres qu'on comprend. On a vu le chapitre 6, c'est très compliqué avec le chapitre 13. 6-13-15 aussi. Il y a des chapitres qui sont compliqués dans l'Apocalypse. Toute la Bible est compliquée, mon frère. Compliquée. Tu vois, il y a encore des épilogues encore sur au commencement était la parole. On continue à débattre sur Jean 1, verset 1. Donc c'est compliqué. Comment la parole peut être avec Dieu et la parole encore en même temps Dieu? Il y a la préposition avec. Donc on commence à débattre donc, et ça crée des problèmes. N'en parlons pas dans tout un livre qui est apocalyptique, qui est une succession de choses cachées qu'il faille révéler. Donc ce n'est pas le problème de l'Apocalypse, c'est le problème de toute la Bible. Parce que Dieu lui-même, il est compliqué. Il est grand, il se cache, il devient petit, il devient humain. Il est compliqué. Et toutes ces choses sont compliquées. Mais pourtant, simplement, on peut l'appréhender, d'accord? Amen. Alors, des questions? Il y avait une série de questions qu'on avait entamées la semaine dernière, là. Par rapport au petit mot, au thème, en fait, au thème, tu peux dire, au mot qu'on traverse toujours, qu'on pense qu'on comprend, pourtant, la compréhension est autre dans les Écritures. Par exemple, j'attends toujours les questions. Aurélie, ça va? Oui, tonton. Où est Daniel? Il est encore en retard. Il n'a pas encore commencé le jeûne. Quand il jeûne, il a la sueur dans les paumes de main, n'est-ce pas? Sa main tremble comme ça, n'est-ce pas? Il a peur, il pense qu'il va mourir, n'est-ce pas? C'est vrai. Il faut lui demander qu'il doit jeûner, d'accord? Et toi-même, sois obéissant à papa et à maman, d'accord? Alors, j'attends des questions. S'il n'y a pas de questions, si j'entre dans les Saintes Écritures, n'en posez pas. Oui. Vous écoutez les enseignements, vous aurez forcément des questions. Vous lisez les Saintes Écritures, vous aurez forcément des questions. Vous regardez le monde, vous aurez forcément des questions. Vous regardez la Bible, vous aurez forcément des questions. Vous restez calme, même dans le silence, vous aurez forcément et certainement des questions. Allez, allons-y. Dans Hébreux 2, versets 5 à 8, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2, ça c'est la sœur Suzanne. Oui. Hébreux chapitre 2, pardon. Verset 5 à 8. 5 à 8. Oui. Je lis. Alors, je lis. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors, moi, ma question est la suivante, parce que là, ils disent, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme? Alors, en fait, je ne comprenais pas quoi. Qu'est-ce que l'homme? Bon, là, on peut comprendre, mais où le fils de l'homme? Quel est le problème, ma soeur? Le fils de l'homme ou l'homme? Ok. Donc, les enfants des hommes, c'est pas les sont les enfants, ce ne sont pas des hommes, ma soeur. Comment? Bah, les enfants des hommes ne sont pas les hommes. Mais quel est le problème alors? Mais tu parles pas de Jésus. Oui, en fait, c'est un peu. Mais ça ne peut pas, dans ce passage, on ne peut pas parler de Jésus là, puisque on dit, mais au fils, lui, Jésus, dans ce même passage, donc ça ne peut pas, le fils de l'homme ne peut pas se référer à Jésus, parce qu'on a rabaissé l'homme là-haut pour l'élever lui. D'accord? Il dit clairement dans ce livre-là que ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde dont on parle. Ce monde à venir, dont il est question. Mais c'est à Christ Jésus. On dit, mais au fils, il dit que ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc il ne s'agit pas du fils de l'homme qui se réfère à Jésus. Dans la Bible, le fils de l'homme se réfère aussi au prophète. D'accord? Et le fils de thème, fils de l'homme, quand ce n'est pas référé en tant que prophétie ou bien en tant que langage. D'ailleurs, par rapport... moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, mon frère. Oui. Pardon, je te coupe. Mmh. Avec fils de l'homme. Mmh. Avec fils de l'homme, j'ai toujours eu du mal à me situer. Il faut faire attention non, pour savoir si dans la phrase, il est question des paraboles, des langages paraboliques des dieux. D'accord? Ici, il n'est pas question okay. de langage parabolique. En tout cas, ici, l'apôtre dit, il est question que quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Maintenant, il faut aller dans la référence conférée là-bas. D'accord? Ok. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans le livre des psaumes. Ok. Allons-y. Psaume 8. Psaume chapitre 8. Le verset 5. Verset 5. Alors, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores, tu n'y es pas, tu n'es pas ma soeur. Désolé. Alors, est-ce que vous, sur votre écran vous voyez la Myriam? Où la voyez? Oui. Non, moi je la vois. Ok. Allons-y, ma soeur, lis le chapitre 8 des psaumes, verset 5. Oui. Alors, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ok. Continue. Donc il faisait référence à ces psaumes-ci. Continue dans la lecture dans ce livre de psaumes, verset 6. Ok. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Mm. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui. Là maintenant, on parle de qui? Oui. On parle de qui maintenant? On parle de l'homme. Tu es sûr? On a déjà tout mis sous le pied de l'homme. Tu as tout mis sous le pied de Dieu et tu l'as couronné de gloire. Ah oui. Oui, c'est Jésus. Tu poses la question ou tu réponds? Non, je réponds. Ok. Des questions? Moi, j'ai une question, frère Junior. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. La sœur Suzanne, comment va Manuela? Gabi? Va bien. Monsieur Clodon, ainsi qu'Alexia. Ah, ils vont bien, mon frère. Mmh. Ils vont très bien par la grâce de Dieu. Voilà, tu les salues. Oui, merci, je n'y manquerai pas, merci. Le frère lance la question. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8. Oui. Si nous sommes à la page, je vais lire. Il faut lire. Parce qu'avec vous, on risquerait de faire 3 heures de temps sans travailler. Ne savez-vous pas? Je peux lire, non? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le point de jugement? Mais ma question ici, c'est qu'il dit que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Comment les saints jugent le monde? Moi, ma question, c'est ça, en fait. On parle de qui ici déjà? On parle des saints. Lesquels? Les chrétiens. Donc tous les chrétiens seront les juges, quoi. Je comprends pas. Je pose la question. Ça veut dire que tous les chrétiens seront les juges. Donc, ça veut dire que quand le tribunal. Puisque tu parlais tout à l'heure d'Apocalypse qui est compliqué. Donc ça veut dire que quand le jugement va s'asseoir, tous les chrétiens du monde entier vont s'asseoir sur les chaises. Ils seront les juges, c'est ça, frère? Non. Comment ça doit se passer? Vous m'entendez? Belgique dans la sainteté, bonsoir. Nous avons quelques soucis de connexion. Veuillez patienter, ça va se rectifier dans quelques instants. Je crois que nous avions quelques soucis là, ça s'est résolu, n'est-ce pas? Alors, je tente de le dire, à l'entame de tes propos, tu as parlé d'Apocalypse qui était compliqué. Mmh. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, tu dis, la Bible déclare que les saints, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, n'êtes-vous pas sage pour rendre le monde de justice? Un frère plaide contre un autre frère, et cela, c'est déjà un défaut chez vous, c'est d'avoir des procès les uns les autres. C'est ce que mon grand frère dit là-bas. Alors, tu poses la question, que les saints jugeront le monde. La Bible dit d'ailleurs que les saints jugeront le monde, ça n'est forcément les saints doivent juger le monde. Mais la question c'est, de quels saints parle? Est-ce tous les chrétiens? Vous m'entendez? Ce n'est pas le micro de la sœur qui fait, c'est la connexion, c'est la connexion qui dérange. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Alors, je tente de lui dire que dans le Saint-Livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, il est question des saints qui doivent juger le monde. Oui. Alors, et je pose la question, est-ce que ce serait possible que tous les chrétiens soient assis sur des trônes pour juger? Les Apocalypse, puisque tu disais que l'Apocalypse était compliqué, est-ce que c'est de cette façon-là? Est-ce que tout le monde doit juger? Non. Voilà, donc ça veut dire quand il parle de saints ici, mon grand frère, il faut faire attention avec le style des saints dont il parle. Qui sont les saints dont il est question là? Je crois que c'est dans votre espace, c'est ce que nous avons travaillé sur les personnes de Matthieu chapitre 5, les brebis, les bourgs et autres, là-bas, les personnages et autres. Et puis je vous ai posé la question, je ne sais pas si c'est avec vous, qui va participer au mariage, ainsi de suite, qui sera l'épouse, ainsi de suite, n'est-ce pas? Nous nous sommes posé cette question là. Donc quand vous allez dans la Bible, il faut faire attention. Quand le Seigneur nous dit des choses. Alors ici, il est question des saints qui doivent juger. Si nous admettons que tous les saints-là sont des chrétiens tout entiers, alors on se rend compte qu'il y aura des trônes et tous les chrétiens doivent s'asseoir sur le trône pour juger. Parce que le jugement ne peut pas venir. Lorsqu'on parle de juger le monde, il s'agit du jugement dernier. Lors du jugement dernier, quelle est la condition? Vous avez lu le livre de Daniel chapitre 7. Vous avez lu le livre d'Apocalypse justement. Avec Josué, enfin pas Josué, Jude Jude, verset, à partir du verset 14, que le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer le jugement. Les saints myriades dont il est question. Selon qui est écrit. Vous entendez, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? On entend très mal, mon frère. On entend très très mal. Comment ça se passe? Ça fait comment? C'est très, c'est lent ou bien c'est, ça s'entrecoupe? Entrecoupe. Je suis désolé, c'est la qualité des connexions. D'accord, vous m'entendez? Oui, là ça va. Ok. Bon, je ne sais pas s'il faille que je me répète ou si vous avez appréhendé ce que je vais dire. C'est ce que j'ai pu dire. S'il te plaît, mon frère, oui. Bon, je disais, en lisant le livre de Daniel au chapitre 7, Jude, chapitre 1, verset 14, Apocalypse, chapitre 20, il ressort que dans ces temps, dans ces passages-là et dans le livre des Jean, le Seigneur montre comment le jugement doit se faire. Alors, la question que je pose à vos frères, c'est comment se fait-il qu'on dise ici dans 1 Corinthiens, chapitre 6, que les saints doivent juger? Est-ce à dire que tous les saints, c'est-à-dire que tous les chrétiens doivent s'asseoir sur le trône et juger le monde, les mondains, parce que le monde ici, ce sont les gens du monde qui n'ont pas cru au Seigneur. C'est la question que je viens de poser. Est-ce que tout le monde est juge devant le Seigneur? Si c'est oui, prouvez. Si c'est non, démontrez. Vous m'avez suivi maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Attendez maintenant, c'est quand même terrible ça, avec ces connexions. La soeur amie, bonsoir et bienvenue. Mon frère, frère Junior, bonsoir mes bien-aimés. Ça va? Bonsoir. Oui, mon frère. Tu n'étais pas connecté, on a cru peut-être qu'il y avait un mouvement féministe qui défilait du côté de Liège et que tu allais participer. Donc, parlant du défilé et autres là-bas, des récréations, vous qui êtes du côté de Belgique, ça c'est la Belgique ça? Donc, vous qui êtes particulièrement dans les zones à forte population telles que la Bruxelles, faites attention. Si vous entendez qu'il y a des... En tout cas, faites attention parce qu'il y a les flammes. Des bruits, des déflagrations qui se font entendre là-bas. À Bruxelles. Bruxelles. Vous savez, quand nous partions là-bas prendre le vol, et puis si la sirène se souvient, j'ai vu la sécurité qui était dans l'aéroport. Il était question, on avait mis les périmètres de sécurité à l'extérieur de l'avion, de l'aéroport. Il fallait sortir à des centaines de mètres, marcher, à cause des attentats qui ont eu lieu. Ils sont en plein chez vous. Je crois que cette fois-ci, ça va amener vraiment une restriction même des visas et une vigilance accrue de ceux qui vont passer là-bas dans les aéroports. Et ça va amener beaucoup de traque pour que ceux qui ont des nationalités et des papiers soient mis sous surveillance. Donc il y a de l'explosion qui se font, vous entendez cela, des déflagrations. En tout cas, dans quelques jours, d'ici quelques jours, vous allez voir vos journaux. Et principalement, s'il y a un sommet là-bas, vous appelez ces réunions-ci. En tout cas, vous qui êtes à Bruxelles, faites attention. Ne sortez pas sans prier. Priez que ça se passe dans les métros. Parce qu'on ne peut pas arrêter cela. Si ça se passe dans les métros, priez juste que le Seigneur vous préserve. Si ça se passe dans le métro, que ce ne soit pas dans votre métro, que ce soit derrière vous, soit avant vous. En tout cas, ça va perturber. Ça va perturber la circulation, perturber les vols. Les vols seront annulés. Ok. Ça, c'est Bruxelles. Bruxelles. Vous avez vos bien-aimés qui voyagent par là-bas. Mais, ça, mais je ne pense pas que ça, ça va être dans l'aéroport, ça. Ce n'est plus vers l'aéroport, ça, que ça se passe. Cette déflagration. Mais donc, vous qui mangez, voyagez là, faites attention. Vous, comme vous vous déplacez là, dans vos métros, vous là, faites attention. Je crois que avec ça, vous allez entendre que telle société a fait la... vous appelez... a revendiqué l'attentat et ils demandent telle ou telle chose. Ils menaceront encore le gouvernement européen que s'ils ne fassent pas telle chose par rapport à telle chose, ils vont continuer encore. Ce n'est pas seulement vous en Belgique. Ce n'est pas seulement vous. Ils vont secouer. Ils vont encore faire parler d'eux. Tout ceci... Ah, non, mais tu vas pas poser des questions. Vous ne m'attendez pas? Non, c'est quand même curieux, ça. Pas bien. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Ok. Je veux que quelqu'un me répète tout ce que j'ai dit depuis pour que je sache où j'étais, j'en étais. La partie que nous avons, ce que moi j'ai saisi, c'est que il y aura des flammes. Ça, c'est les flammes. Il y a des déflagrations. Vous entendez, quand, pendant que tu parles, j'entends encore cela, les déflagrations. Ça, c'est les déflagrations. Panique, fuite, des cris. Et puis, il y aura des groupes qui vont revendiquer cet attentat. Ça, c'est l'islam. Voilà, ça, c'est l'islam. Dans le métro? Donc, de toute façon, ce n'est pas à l'aviation. Ce n'est pas dans l'aviation. N'ayez pas peur pour prendre l'avion. Mais, suivez donc. Vous qui, c'est particulièrement nos soeurs qui sont du côté de Bruxelles et autres. En tout cas, ça résonne chez vous. Vous n'êtes pas le seul pays à être attaqué. Priez tout simplement, comme je le disais, avant que vous n'ayez... Pendant que vous n'écoutiez pas, priez en sortant. Vous qui écoutez cette voix, priez en sortant. Priez en sortant. Parce qu'un de ces quatre matins, la situation de sécurité va changer. Ceci va amener encore le redoublement de la situation de sécurité. Ça va amener même les ruptures des vols. Les vols seront annulés. Les breaking news. Ça, c'est devant là. C'est devant, c'est dans quelques jours là. Donc ça va arriver. Ça, c'est les attentats. Les attentats. Ça, c'est pas l'Italie, n'est-ce pas? Si, c'est pas l'Italie. Ça, c'est Nous sommes dans la Belgique, dans la Sainte-Étienne. Ok, pour l'Italie, on va en parler. Oui. L'Italie, c'est bon. Donc, faites attention, priez. Priez, avertissez vos bien-aimés qui sont là-bas. Si vous connaissez les frères et les soeurs qui sont là-bas, avertissez-les que soyez sérieux avec le Seigneur. Priez, tout simplement. Parce que vous pouvez tomber au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ces choses, si vous arrivent. De toute façon, quand ça va être annulé, on sera là. La prochaine Belgique, dans la Sainte-Étienne, peut-être. Oui, on en a deux, trois. Ou même un mois, ou bien deux mois, on saura. Mais j'ai dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Pendant qu'on est donc, c'est parce qu'il est temps de parler de cette question sur le monde qui sera jugé, puis c'est revenu là. Je pose la question, est-ce que les chrétiens vont s'asseoir sur le trône comme ça? Chaque chrétien, y compris vous, la sœur Suzanne, la sœur Reine, vont s'asseoir pour juger tout le monde. Est-ce que c'est la Bible ça? Non. Voilà. Alors, dans ce cas, je te pose donc la question. De quel saint parle-t-on dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2? Les apôtres. Pourquoi? Alors. Parce qu'ils ont reçu une mission claire du Seigneur. Donc, si tu comprends bien, Judas sera là-bas puisqu'il était apôtre. Iscariot. Non. Tu as dit, non, il a été remplacé. Il a reçu mission clé du Seigneur, celui de le livrer. N'est-ce pas la sœur Odile? Pour lui, il a écrit. Ok, des questions. Vous êtes vraiment mature ici, hein? Mature. Vous bouffez bien la parole. C'est pour ça que vous traitez ainsi. Les gens comme la sœur Suzanne et comme la sœur Tra et encore comme la sœur Ami, sœur Ami assimile seulement. Ne la voyez pas comme ça. Sœur Ami, comment va Chelsea? Bien, oui. Il est 21h, elle est déjà au lit, n'est-ce pas? C'est son heure de dormir. Oui, mon frère. Ah bah, posez des questions. Alors frère, ma question c'est comment dompter la langue. Parce qu'on nous dit que c'est un membre qu'on ne peut pas dompter. Mais est-ce qu'on peut, véritablement dompter la langue? Je crois que cet enseignement nous l'avons fait, je ne sais pas où ça se trouve. C'est pas en Belgique que nous avons fait cela. Non mon frère, je me rappelle que ça se trouve dans les épîtres de Jacques. Oui. Que vous avez fait. Oui. Je ne sais pas si c'est Cameroun quelque part. Oui, l'étude de l'épître de Jacques, mais on a cette question-ci, je crois qu'on en a parlé. Où c'est en Belgique, quand nous étions en Belgique, je ne sais pas si c'est en Belgique ou c'est en Allemagne. On en a parlé. Prends tellement l'impatience. Nous en avons parlé d'accord, mon cher frère. Où c'est bien été. Je ne sais pas si c'est à Dakar. Ces histoires de voyage là, ça trouve. Mais on a résolu ce problème là, d'accord. Ok. Voilà. Parce qu'en réalité, résoudre la langue revient à résoudre le problème du cœur de toutes les façons. Parce que la langue ne fait que reproduire ce que le cœur dit de l'intérieur, d'accord. Puisque si quelqu'un est muet, c'est celui qui ne parle pas, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est vrai qu'il n'aura pas de mauvaise langue. Tout ce qu'il peut faire, c'est. Mais la colère qui est en lui, là, peut exploser. Vous voyez effectivement que même si on coupe sa langue, ça ne résout pas le problème. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand la Bible parle de langue, ce n'est qu'une extrapolation pour parler du cœur en réalité. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la bouche articule. Et la bouche articule à cause de la langue. À cause du cœur. Voilà, posez des questions, mes soeurs, posez des questions. La soeur Myriam, tu as des questions? Si tu n'en as pas, je t'en pose. Tu as des réponses forcément. Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Donc, mais tu as quand même une réponse, non, si je te pose une question. C'est parce que si tu n'en as pas une, tu ne peux pas rester neutre. Soit tu as des réponses, soit tu as des questions. Oui, j'ai les réponses. Ok, posez des questions devant la soeur Myriam. Hey, demande-lui d'abord pourquoi elle n'aime pas qu'on la voit, pourtant elle voit les autres. Pas le foulard. J'ai commandé le foulard aujourd'hui. On veut la voir bien le foulard, la sœur. Frère, on veut la voir. Dis-lui alors. Pourquoi tu dis que frère, on veut la voir? Tu passes par moi, pourquoi? Dis-lui donc directement. La sœur, on veut te voir, mais il faut que tu cherches le foulard. Elle a dit qu'elle a commandé, Dieu est témoin. Sa langue a dit ça. Frère, on peut trouver n'importe quel foulard. Mmh. Voilà. Alors, des questions. S'il n'y a pas de questions, on est dans les écritures, même pour quelques minutes, et puis je vais vous laisser vous reposer parce que je vois comment vous êtes vraiment fatigué. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas travailler dans ces écritures. Non, on n'est pas fatigué. Vous avez écouté les enseignements, vous n'avez pas de questions. Ça veut dire que si vous avez écouté les enseignements, vous avez assimilé. Il y a plus de 1025 enseignements là-bas sur Bamba et Badon. Vous avez certainement tout écouté déjà. Et si vous avez tout écouté, donc je peux rentrer chez nous encore directement. Ce serait bon de rentrer là-bas et puis depuis le haut, là, on vous regarde. Qui ça? Moi. Comment ça, tu as des questions? La question est venue quand? Non, c'est venu une question qui était dans ma tête depuis. Mais tu avais dit tout à l'heure que tu n'as pas de questions, tu avais plutôt les réponses. Oui, mais tu me rappelles, il y a la fonction de rappel. Ok, la fonction de rappel dans ton cerveau. Oui. Allons-y. Dis-nous, ma soeur, première question. En Matthieu 4, la Bible dit que le diable, il est allé voir Jésus. Et la Bible dit qu'il a transporté Jésus dans les lieux où il montrait les richesses qu'il devait lui donner s'il se pliait et l'adorait. Maintenant, j'ai souvent cette question. Est-ce que c'était en pensée ou c'était en réalité? Tu poses la question à qui? À Trabi ou bien aux sœurs? À tout le monde. Les... Voilà. Qui va répondre à la question? C'était en pensée ou bien c'était en réalité? Donc Jésus était quand même fixe au désert et puis par les pensées, il vivait les choses, quoi. Non, je demande si c'était... Non, je vais seulement voir si c'est la question. C'est-à-dire que s'il restait comme ça, ça se passait dans ses pensées, quoi. Non, que le diable... dans le milieu chrétien, on dit le diable vient tenter à travers les pensées. Donc, peut-être je me suis dit il est venu le... parler à travers les pensées. Bon, de toute façon, dans ce Matthieu chapitre 4, la Bible déclare que le diable le transporta encore sur une haute montagne, n'est-ce pas? Oui, oui. Après, on dit qu'il le transporta encore sur le temple, au-dessus du temple, n'est-ce pas? Oui, mais j'étais dit que c'était dans les pensées. Bon, attendons, allons-y doucement. Si c'est dans les pensées, on a dit qu'il saute. Parce qu'il est écrit de lui que si, même s'il fait cogner son pion, son père va envoyer des anges. Donc c'est dans les pensées alors qu'il devait tomber alors. Non. Donc en réponse à ta question, c'était comment? C'était littéralement. Littéralement, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc tu peux applaudir toi-même pour toi dans la chambre là. Des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, je dis quoi que ce serait bien qu'on se repose, non, puisque vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit à cet été, bonne nuit alors. Et bon repos, n'est-ce pas la soeur Odile? Non. Mais mon frère. Moi, je vous pose une question. Si quelqu'un est marié, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier pour son conjoint. Pour qu'il fasse quoi? Pour que ça devienne maintenant la volonté de Dieu. Mais s'il est déjà marié et qu'il n'est pas la volonté, quand il n'est pas la volonté de Dieu, il doit être un exemple à son. Selon 1 Corinthiens, je crois 7, et selon 1 Pierre, je crois 3. La seule a vraiment des réponses. Ne la tentez pas. Non. On demande aux femmes pieuses d'être des exemples pour leur mari. Oui. Pour qu'en voyant comment elles sont, leur mari puisse se convertir. Bon, ça c'est pour ceux qui ont déjà fait l'erreur, je pense, idéalement avant d'avoir connu le Christ. Bon, c'est vrai, enfin, que toutes les femmes qui ont fait l'erreur d'épouser des païens là, si elles se comportent bien, tous les païens là seront convertis, même si ce ne sont pas les enfants de Dieu, quoi. Théoriquement, non, tous les païens finissent par ne pas. C'est pas tous les païens qui finissent par se convertir. Qu'est-ce que cette sœur doit faire avec son mari qui peut-être est dans la secte et veut la vendre et peut-être vendre même ses enfants? C'est vraiment difficile, mais. Vraiment une situation difficile, mais je pense que pour des raisons de sécurité, elles doivent intercéder pour leur mari et s'éloigner. Et s'éloigner, je ne sais pas, s'éloigner. Et s'éloigner de son mari pour des raisons strictement de sécurité. C'est-à-dire que quand elle est loin de son mari ne peut pas la tuer mystiquement, quoi. Il peut toujours... Bon, il ne peut pas passer au Christ. Il faut qu'il tue d'abord Christ avant de la tuer. Donc, il ne peut pas. Donc, même si elle était dans la maison, il faudrait que qu'elle passe par Christ pour tuer d'abord avant de la tuer, n'est-ce pas? Oui, mais le problème, c'est que s'ils sont en constante communication à cause des contaminations spirituelles qu'il peut avoir par différents moyens, une hôtel que l'individu ou autre, alors ça rend la situation plus, je pense, difficile. Donc tu conseilles à toutes les femmes, donc je veux que tu parles maintenant à la première personne, donc tu t'adresses à toutes les femmes qui ont des maris sorciers de les quitter maintenant, dis-le donc. Non, ça dépend Bon, dans le cas très extrême, très pire, oui, consulter l'Éternel avant de prendre ce genre de décision drastique, quoi. Parce que je connais une femme de Dieu, et malheureusement, elle a, aussi choquant que ça puisse être, elle a malheureusement consulté son foyer parce que l'Éternel lui a dit qu'il faut qu'elle quitte. Bon, c'est qu'elle dit que Dieu lui a dit de quitter pour un temps. Parce que la famille du monsieur. Et la famille du monsieur faisait trop de magie, trop de sorcellerie, il envoyait trop de flèches. Bon, il a déjà crié à Dieu fatigué, quoi, de ramener sa femme, blablabla. Mais par exemple, elle dit, oh, vous voulez que je meure dans le mariage, vous voulez que je meure. Donc elle a crié à Dieu fatigué pour que Dieu ramène son mari. Dieu n'a pas ramené son mari, Dieu lui a seulement demandé de quitter d'abord pour un temps, c'est ça? Oui, parce qu'elle se dit que ces nombreuses maladies, les attaques spirituelles, ça vient de la famille de son mari. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne lui a pas dit où ça vient la maladie. Dieu ne lui a pas dit qu'il va lui traiter le cas, mais elle prie pour que Dieu la transforme. Et Dieu ne répond pas, mais Dieu lui demande de quitter. C'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que donc Dieu a montré que les flèches viennent de la famille du mari, la maladie vient de la famille du mari. Et bon, pour finir, Dieu, l'Esprit Saint, a dit qu'elle quitte, qu'il met l'épée de séparation entre elle et son mari, qu'elle va quitter. Bon, ça, c'est ce qu'elle dit, Fred. Oui, et toi qui as la solution, là, tu lui as dit quoi? Toi qui as la solution, tu lui as dit quoi? Que c'est Dieu qui a vraiment dit ça? Pour moi, je pense pas que Dieu peut dire ça parce que ça ne marche pas Matthieu 19. Ça ne marche pas Matthieu 19. Ça ne marche pas beaucoup de choses de la Bible, quoi. Bon, mais elle, son argument, Frère Junior, c'est exactement ce que tu as posé là maintenant. You know, qui dérange un peu beaucoup de gens qui la connaissent bien, comme c'est un couple qui sert vraiment Dieu. Bon, son mari continue seul. Donc maintenant, elle, son argument, c'est ce que tu as donné. Vous voulez que je meure dans le mariage, c'est quoi? Bon, ça veut dire que son mari sert Dieu. Elle servait Dieu, son mari, mais c'est la famille de son mari qui veut la tuer. Bon, oui, selon ses dires, quoi, elle a les attaques spirituelles de temps en temps, elle a les problèmes de maladie tout le temps, ça ne finit pas. Et son mari la laisse partir. Que tant que sa famille n'est. Il faut qu'on tue sa famille pour qu'elle puisse revenir, quoi. Ou bien sa famille s'est convertie. Ok. Mais on est en Europe, il ne peut rien lui faire, il ne peut pas l'arrêter, il ne peut pas la forcer. Elle a pris ses choses, elle a dit qu'elle part pour un temps, mais bon, ce temps a dépassé, ça fait déjà un an et demi. Et maintenant, elle ne veut plus revenir même du tout. Donc, finalement, elle a décidé de divorcer ou elle n'a pas divorcé. Bref, elle ne veut plus revenir. Donc, bon. Étant dans ces conditions-là, est-ce que la maladie s'est alors arrêtée? Non. Donc, ça veut dire que finalement, ça veut dire que ce n'est pas la proximité de son mari qui faisait qu'elle soit malade, pas vrai? Oui. Parce que la raison qu'elle a donnée, par exemple, c'est que, écoute, Myriam, des fois, les rapports... par exemple, voilà, pour le fait qu'elle fasse la l'intimité de son mari pourrait aggraver la situation. Bon, tu lui as pas dit qu'elle cherche la délivrance? Elle a cherché les hommes de Dieu qui vont prier pour elle, qui ont prié pour elle. Même des fois, elle a eu à dire oui, elle a manifesté, blablabla. D'autres vont lui dire oui, vraiment, la famille de ton mari, fais attention, et puis du coup, ça la motive, quoi. Donc, quand elle part au pays, elle trouve les gens là-bas qui prient pour elle, elle remonte. Voilà, la situation ne change pas, quoi. On prie pour elle, elle ne revient pas. La famille n'est pas bien. On prie pour elle, elle ne revient pas dans son foyer, pourquoi? Parce qu'elle se dit que ce qu'elle fait, c'est approuvé par l'Esprit Saint. Ok, et toi-même? Donc, son mari, elle t'a crié à Dieu fatigué, quoi, de l'aider. Bon, et toi-même, tu penses que c'est l'Esprit Saint qui lui a dit de se séparer de son mari? Non, ça ne peut pas être l'Esprit Saint parce que ça ne marche pas Matthieu 19. Et ça, tu lui as dit ça? Oui, j'ai questionné ça. J'ai questionné ça, mais la Bible dit que voilà quoi, tu ceci, je devais verser la Bible. J'ai questionné, mais elle a dit non. Quelle est la relation avec le Seigneur? J'ai bien entendu de l'Esprit Saint. Un jour, j'ai prié avec lui ici. Il a dit, je vais mettre l'épée de séparation entre toi et ton mari. Bon, le truc, c'est que les gens aussi, souvent, maintenant, Dieu m'a dit. Donc, finalement, tu n'as pas l'évidence, quoi, si c'est vraiment Dieu qui a dit ou pas. Bon, c'est là, c'est que Dieu a dit de façon ouverte, là, contredit-elle sa parole, oui ou non? Non. Non, ça ne contredira jamais sa parole. Non, c'est dit, c'est qu'elle a dit, là, ça contredit la parole de Dieu, oui ou non? Oui, ce qu'elle a dit contredit bien la parole de Dieu. Et est-ce que Dieu lui-même peut se venir se contredire sa propre parole? Non, frère Junior. Voilà. On dit comment alors en cas de mort? Parce que si elle dit qu'elle voulait que je meure dans le... Mais Jésus a aimé l'église jusqu'à ce qu'elle ait fait comment pour l'église? Aïe. Il mort pour l'église. Aïe, comment? On est mort. Le mariage est pour le meilleur. Bon, alors je vous pose une autre question qui est liée à cette autre question-ci. Qu'adviendra-t-il un de ces jours si votre partenaire vient à vous annoncer qu'il est séropositif? La question est pour toutes. Comment tu dis le gars si? Je vous ai demandé de poser la question. Si vous ne me posez pas la question, je vais vous en poser. La soeur Christiane, bonsoir et bienvenue. Je t'accueille à chaud là. Je ne sais pas s'il y a le bruit chez toi. Tu peux t'engager à répondre à cette question? D'autres personnes ont épousé des non-croyants. Et les non-croyants peuvent être sereins à la maison et ils ont généralement le deuxième bureau, le troisième bureau. Imaginez que dans leur couture et leur cousue à l'extérieur, ils parviennent à prendre, choper de ces virus et tout autre virus. Enfin, vous les femmes, vous savez de quoi il est question. Si peut-être ce n'est pas les maladies sexuellement transmissibles, je parle particulièrement de ces virus si particulièrement, ou bien de ces pandémies, ou bien selon les termes médicaux qu'on emploie. Alors, si votre partenaire vient vous demander, regardez dans les yeux, vous allez dire, chérie, je suis séropositif. Vous ferez quoi? Honnêtement. Ben, j'ai dans la sainteté, bonsoir, la question est posée. La seule question, allons-y. Jette-toi à l'eau. Est-ce qu'il y a encore des options, frère? Il n'y a pas d'options. Bon. Il n'y a pas d'option. C'est-à-dire quoi, il ne comprend pas l'accès général français. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option de sortir. Mouiller, c'est mouiller, non? Accroche au Seigneur. C'est-à-dire quoi? Donc quand il dit comme ça, tu pars, tu attrapes le Seigneur, quoi? Non, là, tu attrapes vraiment le Seigneur. C'est pas pour rire. La sœur Myriam, tu es d'accord avec elle? Oui, oui, je suis d'accord avec elle. Tu quoi? Non, God forbid, in Jesus' name. Ah non, tu rejettes déjà les cas. Nous sommes en train d'étudier les cas dans le cadre général. Non, non, justement, que donc si quelqu'un dit ça à ta partenaire, il faut qu'elle prie, la personne prie. Et si c'était toi? Personne... Non, c'est personnel. Si c'était toi, dans ce cas, tu ferais quoi? On dit c'est moi. Si, c'est moi. Oui. Dans ce cas. Donc, je prie et je demande qu'on aille, voilà, quoi, qu'on prenne des mesures. Mm-hmm. Ou ne pas d'abord je prie à l'Éternel de voilà quoi, mm-hmm, par rapport à la situation, pour la direction à suivre, mm-hmm, prier pour que la personne soit guérie, oui, et faire maintenant prendre des mesures pour limiter les dégâts, mm-hmm. C'est-à-dire quoi limiter les dégâts? Limiter les dégâts dans le sens de contamination, parce qu'il y a des gens qui ne contaminent particulièrement pas leur partenaire. Même s'ils ont, mmh, ça dépend. Mmh. Limiter les dégâts aussi dans le sens de l'enfant futur qui va naître ou qui peut naître. Mmh. Parce qu'il y a des mesures où ils disent le partenaire peut être séropositif, mais il y a des comprimés où il y a des trucs que le partenaire, quelqu'un peut prendre et l'enfant n'est pas séropositif. Mmh. Mais again, c'est des cas personnels, c'est pas qu'il faut. Voilà, c'est un problème. Ok. Ici. Oui, frère, toi, tu voulais parler? Oui, mon frère Junior. Oui. En fait, il y a une chose que plusieurs personnes doivent comprendre quand ils rentrent dans le domaine du mariage. En fait, il y a toujours. Moi, je prends ça sur deux angles à chaque fois, puisque on parle du cadre chrétien et on parle. L'autre cas, c'est les non-croyants. Non, je crois qu'il parle ici aux croyants. J'ai bien dit, si votre partenaire. Tiens. En fait, si c'est aux croyants, la chose va rester toujours la même en se basant toujours sur la foi, parce que Frère Rabbi, oui, j'ai posé une question personnelle, donc laisse les croyants. Si tu étais dans cette condition, oui, si j'étais dans cette condition, c'est simple, parce que c'est pas la chair qui est mariée, mmh, au fur et à mesure, mmh, oui, puisque ce que j'ai apprécié, c'est pas la chair, mmh, c'est l'attachement au Seigneur et cette vie de sainteté là que j'ai regardé pour pouvoir accepter la personne avec qui je suis. Mm. Donc tout ce qui va venir après cela n'a pas sa place dans le mariage, que ça soit maladie, que ça soit finance, que ça soit tout ce qui n'a rien à voir avec comme on appelle le domaine spirituel, n'a rien à voir. Pour ma part, c'est comme ça que je comprends les choses, parce que je me dis que c'est pas à la chair que j'ai regardé, c'est pas à la chair. J'ai regardé à l'esprit, parce que la chair ne sert à rien. Puisque la chair, on va se baser sur la forme, on va se baser sur la beauté, on va se baser, sur la taille, tout ça, mais c'est pas ce que j'ai regardé. Donc, moi, je mets tout ça dans la chair. En conclusion, tu vas dire à la personne, malgré que tu as le sida, je t'aime toujours. Oui. Malgré que tu m'as trompé, tu as le sida, je t'aime toujours. Non, pas trompé. Mais elle a l'offre, elle t'a trompé. On parle de quel contexte? C'est avant ou après? Après. On va toucher ces cas-là. Ce sont les questions que nous sommes en train de nous poser. Voici comment je vais poser la question cette fois-ci. Je vais mettre la question de cette façon. Votre partenaire vous trompe et oui, est contaminé par ces virus-là. Puis, lors d'un contrôle, il se rend compte qu'il a le sida. Il vient, ne te dit pas, profite, couche d'abord avec toi. Quand il finit de coucher avec toi, il peut t'informer que voici le canet, j'ai le sida. Vous faites quoi? Il a fait comme du tout. Le problème, En fait, ce sont des exercices. En fait, ce sont des exercices de la foi. Moi, c'est ce que je remarque, je constate. Mm. Ce sont les exercices de la foi. Mm. Alors, la sœur Amie, c'est la même question, je n'ai pas changé. La sœur Amie nous entend. Hein? Oui, très bien, mon frère. Oui. Je reste dans le foyer, hein, comme le frère dit, c'est par la foi et persévérer dans la prière que le Seigneur fasse grâce. Mmh. Donc, pour la guérison, et s'il n'y a pas guérison, ben, jusqu'à la mort. Hein. Mmh. Vous allez m'excuser, là, le Seigneur a dit que il est le pain de vie, d'accord. Donc, nous allons manger du pain. La sœur Suzanne. J'ai la parole. Vas-y. Si M. Claudon me dit maintenant cette nouvelle, honnêtement, et avec tous les péripéties qu'on a déjà vécues dans le passé, moi je dis à M. Claudon, et puis en tant que chrétienne, je lui dis écoute, je reste avec lui tout simplement, et puis. Pareil, je fais comme mes bien-aimés, je prie, je reste en prière, je pardonne mon frère, je pardonne mon mari parce qu'il m'a déjà pardonné sur beaucoup de choses aussi. Donc, non, je reste avec lui. Je reste avec mon mari, je ne peux pas, je n'arriverai pas de toutes les façons. À te séparer de lui? Non, je ne pense pas que... Non, parce que il m'a beaucoup pardonné. Ok. Beaucoup pardonné. La sœur Christiane, tu comprends ce qu'elle dit, non? J'ai très bien compris, frère. Et ton option, ce sera quoi? Moi? Frère, je n'ai pas d'option parce que c'est. Je pense que ce n'est pas des choses qui sont des options, qui sont des paroles parce que je suis une enfant, une orpheline de ce truc. Et j'ai beaucoup eu des souffrances dans l'enfance à cause de ça. Et maintenant, tu sais tout ce que je vis dans le couple. Donc, je comprends que finalement, Dieu nous appelle à garder la foi en toutes circonstances. Et il est le Dieu des temps et des circonstances. Il peut le permettre. Et puis, au bout de 25, même 30 ans, il se glorifie. Voilà. Il continue dans la sœur Reine et après la sœur Odile, naturellement. Mais que pour la sœur, pour le cas de la sœur, maintenant la connexion dérange. C'est bon là? C'est bon maintenant? C'est bon. Ok, la sœur, tiens la parole. À ton tour, la connexion, ton nom son éteint seulement la connexion. Là, c'est clair. Donc, je suis donc que tu vas nous sortir une cartouche maintenant là. Non, mon frère. Que moi, je ne sais pas. C'est des questions trop compliquées, ça. C'est pour ça que nous sommes là, pour examiner les questions compliquées. Jésus a dit que quel est cet homme-là qui veut aller loin, s'il veut aller loin, il veut aller combattre, il s'assoit et ne réfléchit s'il veut avancer. N'est-ce pas? Ou mieux encore, par rapport à ton cas, je pose la question autrement. Supposons que vous ayez un frère qui va venir vous demander un mariage. De celles qui ne sont pas encore mariées. Et vous dites au frère qu'au okay, par mesure de précaution, il faut faire le test de sida. Vous l'aimez véritablement bien, il vient avec le résultat. Il est séropositif, qu'est-ce que vous faites? Personnellement, frère Junior. Non, non, tu es déjà marié. Pas pour le nom marié. Ou bien encore, tu veux encore avoir deux femmes? Non. Donc, c'est spécifiquement pour des non-mariés. Ma sœur, tu as la parole. Sœur, elle est chaud. Non, c'est trop chaud. Parce que. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En allant à l'hôpital, fais le test. Tu as dit, chérie, vas-y, que le soleil te bénisse. J'ai foi que tu vas bien. Dis la certitude, je t'aime. Tu es mon câlin. Tu es le chocolat de mon père. Et il va en revenant, il est sur le positif. Qu'est-ce que tu fais? devient le beurre maintenant de ton cœur, ou bien quoi? Mais c'est vrai que quand on connaît le Seigneur, ça change un peu les choses. Mm-hmm. Change les choses dans le sens où on a tendance à réfléchir beaucoup plus. Mm-hmm. C'est vraiment pas quelque chose de facile à accepter. C'est vraiment pas du tout. En tout cas, la question c'est, tu l'accepteras pour continuer avec le mariage ou tu ne l'accepteras pas? C'est aussi simple. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Ma soeur Myriam? Non, non, je n'accepterai pas le mariage, à moins si le Seigneur me dit de continuer. Nathan, celui qui t'avait là-bas envoyé là-bas, il dit que vous disiez d'abord que vous vous aimez les unes les autres. Vous vous donniez les fleurs, ainsi de suite, les smacks, les appréciations. Mais c'est le problème si, à l'issue de l'hôpital, vous vous rendez compte que la personne est séropositive. Vous faites quoi? Non, mais on arrête pour la protection de chacun. Pour sa protection. Je ne me marie pas. Dans cet instant-là, l'amour s'arrête. L'amour que tu avais pour lui, tout ce que tu disais là. Ça s'arrête. Ok. Ça ne s'arrête pas, mais si Dieu, si c'est vraiment la volonté de Dieu, on trouve une autre solution. Mais sinon, l'amour ne s'arrête pas, non, pas du tout. Mais parce que l'amour est là, et le mariage ne doit pas aller forward. Parce que, par amour pour moi, pour que tout le monde ne soit pas dans le trou. Donc, par amour pour toi, tu te maries seul, sans lui. Ok. Non, parce qu'il m'aime, il va accepter qu'on ne se marie pas. Comme ça, tout le monde ne meurt pas en même temps. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Merci, ma soeur. S'il y avait la possibilité de t'enverrer le pain au chocolat. Ma soeur, si tu ne le maries pas, tu ne vas pas quand même mourir. Non, bon, c'est une façon de dire que c'est pour sauvegarder tout le monde. C'est pour. Donc, comment on dit, pour qu'au moins coquer. Bon, il ne faut pas mal interpréter. Ce que je suis en train de dire, c'est que parce qu'on s'aime vraiment, donc parce qu'il m'aime vraiment, il peut aussi vouloir me, you know, laisser que voilà quoi, je me contamine. Oui, mais c'est pas pour. On regarde aussi l'amour de deux côtés. Donc, si lui m'aime vraiment, et qui. Comment si le feu te brûle, donc tu vas laisser que le feu là brûle ton enfant. Qu'est-ce que je veux dire? Ma soeur, c'est pas pour interpréter, mais c'est pour dire que même si c'est pas ça, c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Même sans ça, quelqu'un peut mourir à tout moment. Des fois, quelqu'un reste dans une maison, il n'a rien fait, toute la maison s'écroule, les gens meurent. Ah, ouais. Voilà, donc. Et puis dans le cas de figure, il ne s'agit pas des sentiments que la personne a envers toi, il s'agit de toi. Il s'agit en fait de nous. Ben oui. Il s'agit de toi parce que c'est pas l'alter ego dont on parle. Mm-hmm. Est-ce que nous on est capable de donner notre vie pour cette personne? Arrêtez, c'est ça la question. Non. La seule Christiane, vas-y, vraiment plein. C'est la question. J'entends la sortie, c'est les pleurs qui sont de mon ventre. Vous voyez que j'ai des questions aussi, n'est-ce pas? Il peut poser aussi des questions. Et j'arrive. Ah oui. J'arrive avec les questions. Vous avez fini? Mm-hmm. Je reste avec la soeur Myriam. Soeur Myriam, ce garçon que tu aimes beaucoup, c'est le jour de la mairie où les bagues sont déposées devant le monsieur le maire. Vous n'avez pas encore signé. Le maire dit, est-ce que tu acceptes de prendre pour époux cet homme? Il dit oui. L'homme dit, ok, avant que lui ne dise cela, il se tient ici devant. C'est un chrétien fervent. Tu l'aimes, le gars est chaud. Mais il voudrait dire quelque chose à l'assemblée d'abord. Parce qu'il aime sa femme, il ne voulait pas faire cela sans lui dire. Il dit devant l'assemblée, chérie, sache que je suis séropositif. Est-ce que tu as ceux qui te mettent la bague là? Oui, c'est vraiment difficile. Ça, c'est quoi ça? C'est difficile, c'est une situation vraiment difficile. Comment vous faites ça, non? Vous-même, c'est vous dans la tête. Vous ne connaissez pas quoi dire. C'est une situation difficile. Oui, c'est pour ça que nous posons des questions afin que tu trouves des solutions. Bon, attends, comment on peut dire que. Ou je peux dire que. Tu diras quoi devant le maire? Le maire, c'est tout devant vous, mais. Je dis, Myriam, est-ce que tu as de prendre alors pour époux Michael? Tu dis quoi? Non. Ta tout famille est là, sa famille est là. On a déjà tout arrangé. Après, là, il va... minutes qu'on cause d'abord. Vous causez comment? Ok. Ah. Non, peut-être, attends, même j'ai le christianisme qu'on parle là. On dit. C'est tel. Mais... Il faut prendre garde. Même Dieu dit que. Attends, Paul. Paul dit que. Paul dit que si on voulait faire plaisir aux gens. Donc il dit que. Mais quand tu te maries, tu fais plaisir à qui? Ah, attends, je me marie pour faire plaisir. Effectivement, la raison pour laquelle que je pense que je dois d'abord prier sans que les gens ne me voient. C'est pas parce que quand le maire sera là maintenant que je vais dire oui, là, c'est l'hypocrisie. Alors que dans mon cœur, ça ne va pas. Donc, moi, c'est mieux que j'avoue à Dieu que vraiment le niveau qui ne suis pas moi encore arrivé. Je suis désolé. Est-ce, quand vous faites le choix de vos conjoints, et vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prêt à subir tout avec lui et à cause de lui? Elle a ce Myriam. Oui, je suis prêt à subir tout. Mais avec quand j'ai à prier la volonté de Dieu, qui a dit que oui, c'est ton mari et on est mariés. Mais avant le mariage, ça a toujours le choix. Ok, non, justement tu as prié dans la chambre, Dieu a dit que c'est ton mari, mais il ne t'a pas révélé qu'il était sérose positive. C'est différent. C'est à cet instant-là qu'il dit qu'il est homosexuel. Il est séropositif. Qu'est-ce que tu feras? Tu avances avec le maire. Détail. Si on a prié que Dieu m'a montré, c'est que j'ai l'assurance que yes, ça c'est voilà quoi que Dieu, j'ai le Seigneur veut que je fasse ma vie avec lui. Si maintenant devant le maire vient dire ça, je vais dire oui, parce que Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Oui. Ça c'est complètement différent, parce que Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Je vais lui dire oui, parce que c'est que en disant même oui, peut-être il a un plan pour le guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages qui ont été guéris de sida. Oui. Amen, ma soeur. Amen. Donc je peux dire oui, si, il m'a donné la. Donc, ça veut dire que si cet homme-ci ne s'aventure pas pour te dire qu'il est sida et que Dieu ne t'a pas demandé que c'est ton mari, tu vas quand même le marier. Non. Si, il ne m'a pas dit. Et que moi, je sais que Dieu lui-même ne m'a pas dit. C'est vraiment mes émotions. Et il dit ça. Je suis désolé. Est-ce que tu peux épouser un homme sans que Dieu ne t'ait dit clairement que voici ton mari, mais que tu l'aimes, tu peux l'épouser? Ça peut arriver un peu, on connaît pas moi le futur. Mais si c'est le sida, il va falloir maintenant que tu consultes Dieu si c'était vraiment ton mari, c'est ça, non? Non, frère, je t'ai dit que si Dieu nous a déjà révélé avant, et maintenant, le mari, parce que Dieu nous a déjà révélé que c'est lui. Voilà, on peut continuer. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Une fois de plus, la connexion dérange. Parce que forcément qu'on dise des trucs théoriques, juste ce qu'on va entendre. Il faut aussi qu'on dise des trucs du cœur. Parce que chacun peut dire oui, oh, tu vas mourir, bla bla bla. Non, quand on te met dans la situation là, tu parles encore. Ok. C'est la réalité à la théorie. Il veut déplacer la question maintenant. On continue. Il veut déplacer la question sur trois volets. La même question est posée si lors de votre union, de votre pré-union, vous vous rendez compte que vous avez des facteurs résistants qui n'est pas compatible. La sœur, elle en sait quelque chose. Sœur, elle explique-nous seulement le problème du facteur résistant dans le mariage. D'abord, pour que tout le monde sache de quoi il est question. Et puis après, ça, il va poser la question. Allons-y, sœur. Elle oublie toujours que son micro est fermé. Oui, allons-y. Le facteur rhésus, c'est, on va dire que, c'est quand, on a deux types, en fait, le rhésus positif et le rhésus négatif. Donc, on va prendre un exemple. Si, deux couples qui sont de rhésus, incompatibles, qui se marient, qui sont incompatibles, pardon, parce que je bête un peu. Donc, ils sont incompatibles, qui se marient, ils peuvent avoir des enfants. Il y a des probabilités qu'ils aient des enfants qui héritent de ces gènes-là. Mm. Et malheureusement, ces enfants-là, ils n'ont pas beaucoup de... Donc, Makoumou, 21 ans, En fait, je suis envoyée parce que le rhésus, c'est une chose. Et maintenant, on a des enfants qui ont de la drépanocytose. Donc, en fait, il ne faut pas confondre. Oui. Parce que le rhésus, c'est une chose et les drépanocytes, c'est autre chose. Oui. Donc, les drépanocytes, en général, c'est ce qu'on appelle SS. Donc, oui. Ça veut dire que ils ont des globules rouges. Ceux qui sont drépanocytes, ils ont des globules rouges qui sont défectueux. Mm. Donc, et le facteur rhésus, c'est autre chose. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça que ça me dérangeait. Donc, le facteur rhésus, c'est quand on a le rhésus positif et le rhésus négatif. Donc, oui. Il y a des femmes qui sont rhésus négatif qui peuvent porter des enfants rhésus positif. Oui. C'est un danger parce que ils ont des anticorps qui vont... Les anticorps de l'enfant vont aller combattre des anticorps de... Et par conséquent, la femme peut avoir beaucoup de fausses couches, Parce que le corps de la femme considère que c'est un étranger qui est dans son corps. Voilà. Mmh. Mais en fait, le problème n'est pas trop ça, parce que ça concerne que la femme. Oui. Maintenant, je pense que ce que tu voulais dire, c'est ceux des enfants qui sont parfois drépanocytaires. Exactement. Ou bien des thalassémies et tout le reste. Donc, exactement. Ça, ce sont les anomalies au niveau des globules rouges. Oui. Et quelle est la durée de vie de ces enfants aux environs de 21 ans, au maximum 21 ans, ils meurent subitement? Exactement, parce que les globules rouges, c'est ce qui quand ils ont des globules rouges qui sont défectueux, au niveau de la circulation, ils font souvent ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Mmh. Au niveau de la circulation, parce qu'au niveau des vaisseaux, sont comme des tuyaux. Oui. Donc, on a des tuyaux. Les globules rouges, quand ils ont la forme qui est normale, ils peuvent circuler facilement. Mmh. Pourtant, les enfants qui ont des globules rouges défectueux, ça va pas circuler facilement, et ce qui fait qu'il n'y a pas une bonne oxygénation, et c'est tout le bazar, je vais pas rentrer dans tous les détails. Mmh. Et donc, ces enfants-là, ils font très souvent des crises. Oui. Ce sont des enfants qui sont très, qui sont mal portants. Et même durant leur enfance, jusqu'à peut-être leur âge de 21 ans, même 30 ans quand ils vivent, c'est vraiment une grâce qu'ils arrivent à un certain âge. Oui. Donc, les parents qui sont porteurs de ces gènes, qui sont défectueux, peuvent avoir des enfants. Donc, il suffit seulement que vous soyez hétérozygote. Ça veut dire qu'il y a le facteur dominant et le facteur récessif. Oui. Donc, il suffit seulement que deux personnes qui soient hétérozygotes, oui. Ils ont la probabilité de 25% de la voix. Je crois qu'une fois de plus, le problème des micros... Hétérozygote et tout. Ou même, on peut rencontrer des gens qui une fois de plus de l'interruption de ma connexion. Oui, je crois qu'on a eu juste une petite interruption là. Oui, ma soeur, continue. Ok, je te pose la question. Justement, toi, la spécialiste. Oh là là, la connexion n'est pas bonne là. Je suis en train de dire que. Alors, ma soeur, je crois que ça s'est stabilisé un peu. Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est bon là maintenant. C'est bon, ma soeur, je crois que c'est bon. Allô, là, tu m'entendais? C'est sûr, c'est. Oui, oui. Donc, oui, c'est une vraie difficulté si on a un couple et qu'on fasse peut-être des tests génétiques et qu'on dise que oui, il y a les probabilités qu'on puisse avoir des enfants oui. Qui souffrent de cette pathologie-là. Donc, je pense que c'était cette question en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on fera? Oui. Donc, la même question est posée. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la question dans cet angle-là. Au cas où, avant d'aller vous marier, vous vous rendez compte que vous serez incompatible. Voilà les solutions. Le docteur vous dit que si vous mariez, les deux, voilà ce qui va arriver. La soeur Myriam, ton micro est ouvert, je te réponds directement. Tu feras quoi? Tu avanceras? Je juste apprécier que tout en sachant que, ayant ces enfants-là, oui. Il faut savoir que c'est une vie très très compliquée parce qu'on les voit tous les jours. C'est des enfants qui sont tout le temps à l'hôpital. Quand ils font N38 de température, il faut courir à l'hôpital. C'est une vie vraiment très difficile. Oui. Ces enfants, c'est délicat. Avant de revenir vers toi, la spécialiste, pour poser la même question, La question est posée à la sœur Myriam. Myriam, si tu, si tu vois ton gars qui a ce problème-là avec toi par rapport à votre système sanguin, qu'est-ce que tu feras? Et vous, je vais vous aimer. Oui, non, on va se marier. Vous allez vous marier comme ça et courir à l'hôpital chaque fois. La sœur Odile, tu n'as pas parlé depuis. Je me marie aussi, il n'y a pas de souci. Je vais me marier. Je ne vais pas arrêter à cause de ça. Même s'il avait le sida. Parce que pour la première fois, tu n'as pas répondu. Ouais. Ouais. Même s'il avait le sida, je ne devais pas arrêter. Peut-être avant, oui, j'aurais sorti par la grande porte en vide, mais là, maintenant, non. Je serais restée. Donc, si avant, tu, si t'es comme ça, tu dis claquer la porte en sortant, quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai dû couper ma vidéo pour que la bande passante devienne encore plus excellente, pour que la connexion s'établisse. Donc, vous m'en excusez. Et je continue à poser la question maintenant. La question est adressée spécialement aux femmes. Vous vous mariez. Et le jour de la consommation de votre mariage, vous vous rendez compte que, un, votre mari n'a pas la taille que vous souhaiterez. Deux, il n'est pas exactement au niveau, top niveau, par rapport au mondain que vous avez connu. Vous faites quoi? Et voilà, sœur Flété, comment elle a gâté maintenant sa tête maintenant. Il m'adresse aux femmes, tout simplement. Bon, nous commençons par la sœur Odile. Commençons par la sœur Odile. Quoi qu'il faut qu'il vous doit. D'accord. Alors, là, j'aurais pas eu de problème, sincèrement, même parce que même quand j'étais dans le monde, ce sont des choses, je me focalisais pas dessus. Donc, je rends grâce au Seigneur que, ayant connu le Seigneur, ça me réconforte plus dans ce que je pensais avant. Mm-hmm. Donc, quand tu as n'importe quel problème, tu te caches toi derrière le Seigneur, quoi. Non, mais avant, non, je n'avais pas cette force-là de me cacher dans le Seigneur, mais il y a certains sujets, par exemple, pour cette question de l'homme, il est comment, les standards du monde et tout. Même quand j'étais dans le monde, ce sont des choses, ça ne me dérangeait pas du tout. Je ne me focalisais pas sur ces choses. Oui, ok. Merci beaucoup. Merci pour ta franchise, ma soeur. La soeur Myriam. La question que si il n'est pas comme quelqu'un du monde. Demain, tes soeurs vont te poser, ils vont te réitérer cela. Elles ont bien suivi. Il n'est pas comme quelqu'un du monde. Si il n'est pas performant comme quelqu'un du monde. Ah, la performance, c'est ça. Non, il n'y aura pas de problème parce que l'amour va se passer. Ce n'est pas si important. C'est l'amour sincère. Il y a un endroit où il y a mieux d'une relation que d'intimité, je veux dire quoi. Donc ça va pas trop déranger. Mm-hmm. Il y a amour vrai et sincère à la base. Ok. Merci pour ta franchise. Merci pour ta franchise. La soeur amie. Mon frère, pour moi non plus, il n'y aura pas de problème pour ce genre de situation. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La sœur Reine. Mais je vais réfléchir. Hein. On te laisse le temps de réfléchir, d'accord? On te laisse le temps de réfléchir. Donc, souviens-toi, on va y revenir un de ces jours. Pour les gens qui sont mariés, on ne pose pas de questions aux gens mariés parce qu'ils sont déjà mariés. Donc au moins l'autre là, la soeur Christian en a échappé. Alors on continue, je continue avec mes questions, bon, je vais vous poser les questions. Continue avec les questions, frère Junior. Je continue avec les questions. Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, la soeur Odile. Voilà. Alors, comme la soeur parlait tout à l'heure de que le Seigneur nous confirme notre partenaire. Moi, je me demande tout le temps comment le Seigneur confirme cela. Est-ce qu'il nous révèle exactement que c'est cette personne-là, le partenaire que j'étais destiné? On le voit comment? C'est dans les rêves? C'est parce que je sais pas, j'arrive pas du tout à cette question-là, j'arrive pas à comprendre comment le Seigneur nous montre que c'est cette personne-là. Merci la sœur Odile. Très bonne question. Je crois que la personne qui avait initialisé ces commentaires-là va répondre. La sœur Myriam, comment tu vas savoir que Dieu va te répondre? Mm-hmm. Comment il te répond? Parce que tout à l'heure, tu as donné l'exemple de la femme du pasteur ou celle-là qui a écouté la maison qui a dit c'est Dieu qui lui a dit. Elle dit qu'elle a prié, elle a entendu une voix. La sœur Odile se pose la question, est-ce que c'est la voix qui va te dire que c'est telle personne que je t'ai donnée ou bien c'est pas les songes ou c'est quoi? Elle est étonnée de cela. Dis-nous. Ah, ok, c'est pas plusieurs personnes, je pense. Quand je communique avec les êtres humains, c'est pas plusieurs personnes comme la Bible démontre, soit par les songes. Il a donné l'avertissement aux parents de Jésus pour qu'il fuit quand il était petit pour que Hérode ne le tue pas. Mmh. C'est un exemple. Ou alors il peut communiquer par des visions. Et il a donné la vision à je sais pas si c'est Géasi qui était avec Elisha quand l'armée venait les attaquer, et il a fallu qu'il montre la vision pour voir que l'armée était plus nombreuse que l'armée des ennemis. Mmh. Donc soit par des visions, soit par des rêves, soit par une impression claire et une impression dans le cœur, dans l'esprit de la personne. Mmh. Et que ça vient de l'Éternel. Alors la sœur Myriam, le problème c'est l'authenticité de la chose. Est-ce que ces choses dont tu viens de dire, Satan peut le faire? Oui, il peut le faire, mais c'est pour ça que quand Dieu communique, il faut toujours revalider avec la parole de Dieu. Parce que ça, c'est notre porte. Bon, prenons ton cas. Tout à l'heure, nous avons parlé de ce garçon-là qui a la bague, qui doit te donner la bague, et qui subitement dit qu'il est homo, qu'il a le sida. Là, Dieu ne t'a pas encore dit. Et en sortant dans la salle, tu entends une voix te dire que non, c'est ton mari que j'ai donné. Est-ce que la parole de Dieu écrit ça quelque part? Non. Comment tu vas valider alors que c'est Dieu qui a dit ou pas? Non, mais dans ce cas, parce que l'autre cas, tu as dit qu'on avait déjà prié. Mais dans ce cas-ci, maintenant, c'est comme ça, et que Dieu n'a pas encore dit avant, et maintenant après, la voix vient. Je vais toujours prendre la décision basée sur la parole de Dieu, qui est peut-être de m'excuser devant l'Assemblée et de donner du temps. Pour faire quoi? Pour aller lire la Bible, ma soeur? Non, pour chercher la face de Dieu, qu'on repousse la cérémonie. Non, je dis donc, tu as dit tout à l'heure là que vous allez aller dans une salle pour causer. En parlant, la voix dit comme celle-là a entendu, ta camarade qui a quitté son foyer là, entend une voix qui te dit, ma fille, va continuer, je suis avec toi pour te sauver. Ne crains point. Comment, avec quoi valideras-tu que c'est Dieu qui a parlé? Je vais valider avec la parole de Dieu. Donc je vais valider si la personne, si d'abord c'était d'abord la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu, tu as fait comment pour arriver à la mairie? Ah, ça peut être peut-être pas, voilà quoi, les émotions, peut-être l'attachement de l'âme. Parce que voilà, considérons qu'on n'a pas encore, il ne m'a pas encore dit ce qu'on a entendu dire dans le scénario. Donc ça peut être par la pression de la famille, par l'attachement de l'âme. Il y a aussi beaucoup de chrétiens peut-être qui se fatiguent d'attendre. Alors ils prennent les choses dans leurs mains. Donc il faut avoir plus de raison. Si Dieu n'a pas encore dit quoi, qu'on se trouve à la mairie. Bon, vous êtes à mairie, une voix dit, va et prends cette bague et signe ces papiers. Je suis avec toi. Tu vas, tu le fais ou tu ne fais pas? Je ne fais pas. Donc tu désobéis à Dieu? Non, je ne fais pas parce que je dois d'abord m'assurer que la voix là, c'est effectivement la voix de Dieu. Comment, c'est d'où la question. Comment tu sauras que c'est Dieu? Parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit, tu vas aller à la mairie, tu vas te marier avec telle personne, n'est-ce pas la soeur amie? Mon frère, je saurais que c'est Dieu. Oui, mon frère. Mmh. Je saurais que c'est Dieu. La soeur Odile, tu entends comment il pose des questions pour bien éclairer ta question, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Mmh. Je saurais que c'est Dieu, premièrement, d'abord, si moi-même je sais que je ne suis pas en infraction. Mmh. D'abord, je vais d'abord regarder, est-ce que je suis allé parce que j'étais impatient? Est-ce que c'est vraiment l'émotion qui m'a veuve? Ou alors, j'avais quand même des signes, des pas que je suivais selon la parole de Dieu quand j'allais? Est-ce que j'ai vérifié qu'il est chrétien? Est-ce qu'il a validé la parole de Dieu? Voilà quoi, qui n'est pas là pour la fornication, mais qui est-ce qu'il marchait selon les voies de Dieu? Mmh. Et maintenant, la deuxième étape, la deuxième étape, c'est de donner le temps. Si je n'ai pas l'assurance dans moi que ça vient de Dieu, ben je donne le temps pour chercher si ça passe. Bon, les cas des exemples que tu as pris dans les Saintes Écritures maintenant, le cas de Joseph qui avait été averti par l'ange qui descend en Égypte. Il avait quoi pour valider, pour savoir si c'est Dieu qui a parlé, si c'est les anges qui ont parlé dans le songe? Comment il devait vérifier? Moi, je ne sais pas. Le cas d'Élisée et de Gehazie que tu as ouvert ses yeux. Parce que la Bible ne sait pas comment il a pris. Oui, et le cas d'Élisée, que tu as raconté, que tu as dit tout à l'heure, 1 Roi chapitre 8, chapitre 4 au chapitre 8, enfin 2 Rois, il est question là-bas de Dieu qui ouvre les yeux de Gehazie. Quand il a ouvert les yeux là et qu'il a vu l'armée plus nombreuse là-bas, est-ce qu'il a eu à douter ou bien à essayer de voir que Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Il n'a pas douté, il a compris. Dans ce cas, pourquoi pour toi, quand il m'a dit va dans cette mairie là, mets la barre, tu dis que tu vas seulement rentrer? Waouh, c'est vraiment c'est difficile. Mais si je n'ai pas l'assurance dans mon cœur que c'est lui. Je vais rentrer. Mais si j'ai l'assurance dans mon cœur que c'est de lui, je peux m'aventurer. Oui, parce qu'on se trouve là, la sœur Odile dit comment, quand tu dis tout à l'heure que on doit vérifier cela pour si ça vient du Seigneur, elle se pose la question comment Dieu confirme ça comment? La paix, cette paix qui dépasse tout entendement. L'assurance, mais pas une assurance portée. La vraie assurance, amen. La paix qui vient d'en haut. C'est simple. Amen. Donc, vous pouvez répondre à la sœur Odile, n'est-ce pas? La sœur Odile. C'est exactement ça, ma sœur. En fait, la sœur Odile, la question va revenir sur une autre forme pour dire comment tu peux reconnaître un frère en Christ. C'est-à-dire de la même façon qu'il fait pour détecter aujourd'hui que celui-là, c'est un frère en Christ. C'est comme ça le choix se fait. Parce que tu as tourné la foi de l'un, tu as dit qu'on s'est rencontré. La sœur Odile a dit qu'elle a vérifié partout dans sa zone, on l'a invité un peu partout, mais elle n'a pas trouvé, comment on appelle, des frères et sœurs. Pourtant, cette personne a dit qu'il dit le nom du Seigneur aussi, mais elle dit que ce ne sont pas ses frères. Et maintenant, elle a trouvé ses frères. Comment elle a fait pour trouver ses frères-là? Comment elle ressent que celui-là, c'est son frère? Comment elle voit ça? Comment elle sait? Comment, dès qu'elle m'a vu, la joie qu'on avait, ça dit devant, dans le lieu où on s'est rencontrés, elle dit aux gens, voici ma soeur, elle dit, voici mon frère. Mais comment ça se fait que tu sais que c'est ton frère? Comment? Bonne question. Donc, c'est la même chose. Mais on a aussi entendu les gens dire ça plus tôt, et par la suite, dire que je croyais que c'était un frère. Puis, c'est la porte pour la même chose. Il a dit que nous avons eu les faux frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous. Donc, en attendant qu'ils soient révélés comme faux frères, il les appelait frères, pas vrai, mes frères. Oui. Vous voyez que partout, c'est compliqué, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Que la Bible est compliquée, Dieu, comme les gens de Dieu, c'est compliqué. Ouais, je sais pas, j'avais une pensée. Ouais. Ma soeur Odile, moi, je dirais que ça dépend de... Mais ce que tu as demandé au Seigneur exactement, ça dépend de ton œil, de ta manière de regarder et de ton standard de sainteté. C'est-à-dire que si tu es déterminé avec le Seigneur, tu rencontres l'homme qui doit t'épouser, mais il y a des choses que tu as demandé personnellement en privé dans le secret que lui ne sait pas. Tu vois? Lui, il n'est pas censé savoir ça. Mais quand il va venir avec ses réponses, avec ses mêmes paroles, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a dit tout ça. La sœur Félicité. Oui. En 2011, il y a une fille qui venait se présenter devant moi. Elle m'a dit qu'elle était embrouillée. Il dit, quoi, ma sœur? Il y avait 3 garçons dans son assemblée qui lui ont dit, chacun a dit que Dieu a dit que tu es ma femme. Elle était allée prier en secret pour demander que c'était à volonté. Que son mari soit ici, que son mari soit là-bas. Et puis 3 sont venus, disent c'est Dieu qui m'a dit. Comment on doit faire? Bon, comme tu dis, elle-même, elle était déjà embrouillée, tu vois. Parce que si elle n'est pas embrouillée, elle va savoir ce qu'elle cherche réellement elle-même. Ça, c'est un. Elle veut seulement se marier. Elle veut seulement se marier. Elle a prié. C'est l'homme qui quitte, c'est pas la femme qui quitte. Voilà, et maintenant, la question du frère, c'est qu'il y avait trois frères qui ont demandé la sœur. Trois sœurs, trois frères ont demandé la sœur en mariage. En disant, ce n'est pas seulement en demandant. Chacun est venu à son lieu, ils ne sont pas venus trois en bloc. Ça veut dire que peut-être lundi, il y a une qui vient la voir et dit, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. De l'autre côté, mardi, l'autre, mercredi, l'autre. Dans la même assemblée. Est-ce que la soeur même n'avait pas un problème? Bah, justement. Parce que... Bon, quel est ce Dieu qui parle à toi? Quel est ce Dieu qui d'abord qui parle à trois personnes que tu es... Voilà ta femme là-bas. Exactement. Oui, ça c'est bien aussi. Ça c'est un. Faire la même chose à trois personnes pour la même chose. C'est-à-dire que prendre un seul produit, ou prendre une seule servante, donne ça à trois personnes. Quel est ce Dieu-là qui va faire ça? Ça, c'est un. Donc, il n'y a aucun comme problème dans ce cas-ci particulièrement. C'est pourquoi j'ai dit que est-ce que la sœur elle-même n'est pas embrouillée? Elle-même, est-ce qu'elle n'a pas un problème spécialement aussi? Pour que Dieu l'embrouille comme ça, c'est ça? Non, ce n'est pas Dieu qui l'embrouille, justement. Est-ce que ce ne sont pas des choses, son bagage spirituel qui l'embrouille comme ça? Ok. En clair, comment faire donc quand quelqu'un vient vous dire je vais vous épouser, comment faire pour savoir si c'est son mari ou pas? Juste ta fille. Si un homme vient demander un mariage, voilà par exemple la soeur amie, elle désire se marier. Comment savoir quand la personne qui va lui demander son cœur sera son mari? Est-ce que je disais que la soeur amie, par exemple, elle a des choses qu'elle a demandées au Seigneur dans le secret? Personne n'était là quand elle demandait au Seigneur. Tu vois? Si la sœur amie va devant le Seigneur en disant que l'homme que je veux marier, il doit être grand de taille. Quand il dit ça, est-ce que Satan l'écoute? Quand il le dit, Satan l'écoute, ma sœur? Oui, bien sûr que Satan l'écoute. Ok, continue la démonstration. Si elle commence à dire comme ça, elle dit comme ça dans le secret, et que les murs ont entendu, et que les esprits ont entendu, alors, quand quelqu'un va se lever pour venir se présenter devant elle, et que la personne correspond à ses attentes qui, entre guillemets, sont charnelles, peut-être elle va dire que c'est Dieu qui me l'a donné, tu vois. Mais puisque c'est ce qu'elle a demandé, et la Bible déclare que si je demande, il va vous donner selon sa volonté, il va vous donner. Mais voilà la volonté qu'elle a demandé, et on lui a donné. Comment donc savoir? Mais c'est ce qu'elle a demandé qu'elle a eu? Non, il faut, la chose est simple, il faut tester ça dans les Écritures. Donc il faut amener son mari dans les Écritures. C'est simple. Est-ce que c'est critère de retour dans les Écritures? On parle de la femme. Quel critère, frère? On parle de la quels sont la les critères? Je pense qu'elle le ressent dans son cœur. Voilà. J'ai vraiment fait que la Belgique va aujourd'hui. Oui, ma soeur, vas-y, la soeur Suzanne. Quelle est cette femme-là qui se marie sans le sentir dans le cœur? Moi, je disais personnellement, tu le ressens dans ton cœur. Tu le ressens, tu le sais systématiquement. La sœur Clodon. Oui. Pour la première fois, quand ton mari t'a demandé la main, tu l'as ressenti dans le cœur? Il t'a parlé pendant combien d'années? Après, je n'étais pas encore chrétienne, hein, mon frère. Oh, voilà. Pardon. Donc, c'est quand on est chrétien qu'on ressent dans le cœur, quoi. Non, pas forcément. Quand on est chrétien, on marche selon l'esprit. Oui. D'accord? Oui. Et on n'a plus le côté charnel. Enfin, je veux dire, si on a le côté charnel, mais je veux dire, on demande toujours la direction du Seigneur. D'accord? Et c'est bien que quand la chose se présente, moi, je suis désolée, tu le sais. Tu le sais, tu n'as même plus à raisonner, toi. C'est du tic au tac. Tu sais que le Seigneur t'a demandé, t'as mis quelque chose en prière. Tu as confiance au Seigneur. Oui. Parce que tu sais en qui tu as cru. Il y a déjà l'intimité avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur, tu sais ça. Donc quand la chose arrive, paf, tu le sais quoi. Tu n'as plus de questions à te poser. La sœur Myriam, c'est vrai ce que la sœur Suzanne dit là, c'est comme ça? Quand je suis à la paix, quand je suis à la paix, tu le sais. Bon, mais des fois, pour sécurité additionnelle, d'autres personnes demandent, je vais faire la foi de mettre aussi la chose en prière. Les gens très proches qui font confiance pour voir ce qu'ils ont aussi de leur part. qui puisse valider selon la parole. Tout à l'heure, tu as parlé de l'exemple de cette femme qui a quitté son foyer, que même le pasteur a confirmé que c'est sa femme, la famille de son mari qui était sorcier pour pouvoir implémenter encore la voix qui a dit que quitte ton foyer, non? Oui, Junior. Non, ça dit que toutes ces voix-là étaient dans le, sont dans le faux, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, là, parce que c'est, ça ne, c'est pas conforme à l'écriture. Oui, c'est toujours dans le faux, parce que ce n'est pas confirmé. Donc, ça dit que malgré que tu peux confier la même chose à prier pour les gens, puisque si un seul esprit a pu se présenter devant Dieu et venir sur 450 personnes, ça, c'est pas à 3 personnes que ça ne peut pas arriver, n'est-ce pas? Oui. Comment donc faire pour savoir donc que celle-ci, c'est exactement ce que le Seigneur, c'est la personne que Dieu veut pour moi? Frère, moi j'ai une pensée. Allons-y, monsieur. Oui. Ma pensée, c'est que face à toutes les difficultés, les contradictions qu'on peut rencontrer tous les jours dans notre marche chrétienne, surtout que les voies de Dieu sont tellement insondables, oui. Moi je me suis primé à Jean 10. Mm. C'est que le Seigneur dit que ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Mm. Elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Mm. Donc moi je me dis, à partir du moment où on est la brebis du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous conduira. Mm. Amen. C'est-à-dire dans ce cas pratique. Quand les gens viendront, peut-être 5 ou 6 personnes viendront te demander la main, comment tu vas savoir parmi les 5 ou 6 personnes celle que la personne que le Seigneur aura voulu? Moi, je dépose devant le Seigneur, il va trouver un moyen de faire appliquer sa volonté. De toute façon, moi j'ai compris qu'on est des pions dans la main de Dieu. Okay. Si ma vie est totalement consacrée au Seigneur, il va trouver le moyen de mettre, et comme la sœur disait, il y aura ce truc dans mon cœur qui attestera. Mm-hmm. Qui attestera que ça, c'est Dieu qui attestera que c'est le Seigneur. Donc, mais c'est inexplicable parfois. Je pense qu'il y a des cas où c'est carrément inexplicable. Voilà. Quand on est la brebis du Seigneur qui nous conduit. Oui. La sœur Reine, ouais, merci. La sœur Reine, tu as une contribution à donner dans cette question avant que je n'avance encore et n'enfonce encore le clou. Je suis d'accord avec les sœurs. Peut-être que. Oui, le Saint. Le Seigneur te met à faire d'une manière ou d'une autre. On n'a pas forcément besoin d'entendre la voix. Le Seigneur te met à faire d'une manière. Quand tu vois la personne, tu te dis. Bon, la question va, ça va toujours revenir. Ma soeur Odile, ça va toujours revenir. Il faut que personnellement, d'abord, ce que tu demandes au Seigneur, il faut que ça soit en harmonie avec les Écritures, ça c'est un, et puis le deux, il faut aussi que tu aies le discernement pour savoir quel esprit a conduit ce frère là vers toi. Alors, ma soeur Félicité, quand tu parles de, que ce soit le discernement selon les Écritures, tu parles de quoi par exemple, comme quel exemple, comme quelle condition par exemple? Est-ce que ce frère-là, c'est un frère comment? Donc, il faut observer vraiment. Il dit qu'il est, par exemple, qu'il est catholique. Il est vraiment catholique, il craint Dieu bien, il est catholique. Et il ne peut jamais quitter son église. D'abord, catholique, il n'est pas chrétien, ça c'est un. Parce que si tu connais bien la parole de Dieu, tu vas savoir que, étant donné qu'il dit qu'il est catholique, même s'il est doux, tu dois savoir qu'il y a déjà un problème. Il est d'église réveillée. Il bavarde beaucoup. C'est encore un problème encore. Ils sont allés noter tout ce que vous en avez dit. Et c'est enregistré. Donc, comment on va se faire pour savoir qu'il est chrétien? Voilà. Donc, on a quitté le domaine du mariage pour ça. Pour tomber maintenant dans sa voie. Mais la question ne se pose même pas parce que de toutes les façons, les enfants de Dieu se trouvent partout. Voilà. Que ce soit catholique. Voilà. Voilà, maintenant, arrangeons la chose. Ça suppose donc que la première condition que c'est que la personne soit chrétienne, c'est ça? Nous avons entendu, frère, que il y a des enseignements passés, nous avons entendu dedans que être chrétien, ce n'est pas quand quelqu'un dit qu'il est chrétien. Oui. C'est pas quand il a une grosse Bible, c'est pas quand il fréquente une dénomination quelconque. Oui. Donc, chrétien, ce n'est pas je suis chrétien. Oui. Chrétien, c'est quelle vie mène-t-il? C'est ça. Oui, il est pieux, il est catholique, il n'a jamais couché. Enfin, il avait fait le vœu à Dieu que c'est la femme qu'il va rencontrer, qu'il va demander à Marie, avec qui il va coucher. Mais chrétien, ce n'est pas catholique, c'est ce que nous avons vu. D'après ce que nous avons suivi jusqu'à maintenant, chrétien, ce n'est pas être catholique. Mais voici par exemple un catholique qui mène une vie pieuse et qui s'attend au mariage. Vous verriez comment? La condition est suffisante pour avancer. Parce que je vais vous poser une question maintenant. Après, je vais vous faire prendre le livre de la Bible. Et vous allez prendre un des versets de la Bible. On va lire. Si vous avez été dans le cas de ces personnes-ci. J'ai noté ici 5 ou 6 exemples. Et puis, on va épiloguer là-dessus avec notre façon d'agir de façon contemporaine. D'accord? Mm-hmm. On commence. Allons-y. Ouvrez Juges chapitre 14. Nous restons dans les questionnements. Le frère Frédéric, Maillot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous mes frères ici. Il ne faut pas que tu écoutes comme ça, vous dites que si c'était la condition de l'homme à l'égard de la femme, ils n'avaient pas la peine de se marier, d'accord? Oui, j'ai compris. Mmh. Vous n'aviez pas encore pris la Bible, hein? Personne ne veut lire. La personne que chez le frère là, il y a du bruit, donc il faut fermer ton micro. On va prendre chez la sœur Clodon ou bien la sœur Reine. Quel verset, mon frère? Chapitre 14, versets 1, 2 et 3. Du juge. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et puis la Bible, déclare. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Elle me plaît. Soulignez d'abord ça. Elle me plaît. Elle me plaît, est spirituelle ou charnelle? Lisez le verset qui vient tout juste après. Qu'est-ce que la Bible déclare? Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Je veux que vous me regardez maintenant dans les yeux. Ouvrez toutes les vidéos. Je vais vous voir dans les yeux. Vous allez me regarder dans les yeux. Je vais vous poser des questions. Adonai. Alors, je vous pose la question. La sœur n'a pas ouvert le micro. La sœur Odile aussi. Il a ouvert, monsieur. Je crois que c'est la condition qui n'est pas bonne par ici. Alors, je vous pose la question. Sereine, si tu étais parent de Samson, tu ferais quoi? Mais je me serais opposé naturellement. Comme ils l'ont fait. Comme ils l'ont fait, n'est-ce pas? Bien sûr. Sur quelle base? De ce qu'ils ont dit, que voilà, il ne devait pas épouser une femme étrangère et tout, donc oui. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, sur la base du fait qu'il ne fallait pas épouser une femme étrangère, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais maintenant, ici, cette femme-ci, c'est une femme étrangère, oui ou non? C'est une femme étrangère. Comment il a fait pour le plaire et que cette plaisir-là était dans la volonté de Dieu? C'est un dit, mon frère, que le Seigneur, ça venait du Seigneur. Donc, voilà. De toute manière, il ne peut pas faire. Donc, la première chose, c'est, on dit que c'était son propre plaisir, parce qu'elle a dit clairement qu'elle me plaît, n'est-ce pas? Oui. Le Saint-Esprit explique qu'en fait, ses parents ne connaissaient pas que ça venait du Seigneur, que c'est le Seigneur qui a voulu comme ça. Donc, quand le Seigneur a voulu, il a produit en lui le désir d'aimer une femme qui n'est pas conforme, pas vrai? Exactement. Maintenant, ma question, c'est, si vous étiez autant et puis vous voulez vérifier selon les Écritures, vous direz quoi à Samson? Mon frère, moi, je n'ai pas parlé de vérifier dans les Écritures, mais si. Non, ce n'est pas à toi qui pose la question. Je pose la question à qui des droits, oui, à tout le monde. Parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut qu'on vérifie par les Écritures si c'est conforme à la Bible. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le cadre des catholiques, réveillés, catholiques, ainsi de suite. Vous voyez cela? Alors, je pose la question. si vous avez été au temps de Salomon, parce que du temps de Salomon, comme tu l'as bien cité, c'était prévu dans les Saintes Écritures que tu ne donneras point leur fille pour leur fils, et tu ne prendras point leur fils pour leur fille, pour en lieu de mariage. Dieu avait interdit ça, et littéralement, c'est écrit littéralement. Et Néhémie vient réitérer que c'est à cause de ça qu'a péché Salomon. Parce que Salomon a eu beaucoup de femmes. Il a pris justement, dit un roi, chapitre 11, les femmes des nations que Dieu avait interdites, n'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Et donc, ça veut dire que si vous voulez vérifier, étant au temps de Salomon, vous devez vérifier à base de quoi ici? Puisque les propos de ses parents, c'est le propos vérificatoire par rapport aux Saintes Écritures. N'y a-t-il pas parmi tes frères ici une fille pour que tu descends chez les incirconcis? N'est-ce pas une vérification? Amen. Alors maintenant, il s'est entêté, mais la Bible déclare que ça venait du Seigneur. Alors, si, dans un cas précis, comment saurez-vous que c'est un cas de Dieu ou pas? Mais comme déjà c'était un enfant un peu spécial, donc bon, Samson n'est pas n'importe qui avant sa naissance. Donc les parents ont eu beaucoup de révélations par rapport à cet enfant, donc je pense que la mère à certains moments elle aurait compris que bon, c'est la volonté du Seigneur, elle aurait mis peut-être en prière et je sais pas. Donc d'après Ami, Samson est spécial. Samson, j'ai aussi pensé que voilà, mon enfant est spécial et l'ennemi veut le détourner. Mais c'est plutôt eux qui voulaient le détourner. En fait, dans ces cases-là, c'est plutôt eux qui voulaient détourner Samson du plan de Dieu. Parce que Samson était dans le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu dans lequel il était semble contredire le plan de Dieu qui est physique. C'est ça qui est complexe et c'est pour cela qu'on veut qu'on voie en posant des questions. Mais sur le plan physique des Écritures, c'est contraire à ce que Dieu en a dit. Vous voyez, n'est-ce pas? D'où je vous pose encore ma question. Oui, ma soeur. Pardon. Donc, en fait, si je suis bien un peu le raisonnement, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que parents, on doit laisser nos enfants choisir leur... quand ils sont amoureux de leur leur copain ou je ne sais pas quoi, leur futur mari. À la nouvelle alliance. Ma soeur Suzanne, laisse-nous ici, il ne faut pas nous emmener. Oui. Allô? Il ne te voit même pas d'abord. Tu dis allô comment? Ah, ça a bugué chez le frère là. Chez moi? Non, chez les trappes. Oh, tu peux dire, vas-y, on t'écoute, soeur. Oui. Non, en fait. J'avais compris ça comme ça en fait. Parce que moi moi en tant que maman des chrétiens, je suis bien présente en fait. Donc dans le sens où plus tard je serai toujours en train de donner des conseils à mes enfants, à ma fille en l'occurrence. Donc je pensais que la logique allait plutôt dans l'autre sens. Bon, je repose la question maintenant différemment. Est-ce que vous pensez que dans la nouvelle alliance, Dieu peut permettre qu'une femme ou bien un homme épouse quelqu'un qui n'est pas encore chrétien et plus tard Dieu va le convertir ou Dieu va la convertir? Oui, si c'est dans la volonté du Seigneur, mon frère, si c'est dans le plan de Dieu. Écoutez très attentivement. Est-ce que vous pensez que dans la nouvelle alliance, ce cas-là est possible? Oui, mon frère, c'est possible. Ok, si c'est possible, cette personne vers qui on vient, un non-croyant vient demander sa main, comment faudra-t-il savoir que dans la volonté de Dieu, voilà comment ça se passe dans le futur. Parce que ici, c'est parce que nous avons dans le cadre de Samson, les Saintes Écritures, pour voir comment Samson est né, comment il a grandi, et ce que Dieu dit par la suite de cela. Maintenant, quand quelqu'un est sur le plan physique, on vient lui demander la main, il ne connaît pas le futur, il ne connaît pas le passé de la personne, il ne connaît pas le plan de Dieu. La question c'est, comment cette personne va savoir? Puisque les Saintes Écritures disent que tu ne dois pas épouser un non-croyant. Comme dans le cas de Salomon. Il est spécial, donc il a une relation personnelle avec le Seigneur, toute sa vie est dirigée par le Seigneur. Qui donc, ça Samson. Il ne parle plus de Samson. Il ne sait pas si vous me suivez. Oui. Bah, on met en prière tout simplement, mon frère. Comment? On demande la direction au Seigneur. Ok, c'est comme ça qu'il veut nous poser la question, c'est pour ça que la série de questions est positionnée. Samson a-t-il prié? Les parents ont-ils prié ici? On n'a pas précisé. Regardez le verset suivant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Oui, continue. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant. Voilà, non, c'est bon. C'est bon. Donc, il descend comme ça pour aller voir les parents, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je pose encore une autre question. Vous avez lu l'histoire du mariage d'Isaac, n'est-ce pas? Dans le livre de Genèse, chapitre 28. Où Abraham est obscur. Abraham sort seulement de nulle part comme ça avec sa petite sœur, n'est-ce pas? Avec sa petite sœur pour femme. Isaac, lui, on passe seulement le lui chercher. Donc, c'est un style de mariage SMS. N'est-ce pas? Il reste tranquille. Un soir, quand il sort pour méditer, il voit la femme en train de venir avec Eliezer. Il se tourne et regarde. La femme cache le voile. La conversation qui se passe entre Eliezer et cette femme, on lui demande à Eliezer, cette femme-là, quoi, Rebecca, demande à Eliezer qui est celui-là. Il dit c'est mon Seigneur. Elle prit son voile et se voilà. N'est-ce pas, mes soeurs? Amen. La Bible déclare que Isaac n'est pas allé prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu qui fera vraiment cette femme sérieuse. La Bible déclare qu'il est pris, il l'amena chez Sarah, sa mère, et il l'aima. Ah, c'est un, n'est-ce pas? Et Jacob, lorsqu'il fuit chez Laban, il trouve Rachel qui vient. Première chose, il donne un gros bisou. N'est-ce pas, mes soeurs? Littéralement, la Bible déclare qu'il la baise. Donc, ça veut dire que sur la bouche, n'est-ce pas? On ne veut pas parler, hein? Non. Ne parlez pas. Bon, en tout cas, de toute façon, l'histoire nous raconte que finalement, Jacob l'a prise pour femme. On continue avec Joseph. Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Joseph a pris l'une des filles de la nation de Pharaon, une Égyptienne. N'est-ce pas? Il est jusqu'à ce qu'elle enfante Manassé et Ephraim qui ont hérité des terres en Israël. N'est-ce pas? On construit par David. David épouse Milka au point où, plus tard, étant gendre du roi, on a pris pour donner à une autre femme avec un autre homme. Et puis par la suite, il va récupérer cette femme Milka qui par la suite va passer le temps sans accoucher. Mais Bathsheba, la femme d'Uri qui l'a tué finalement, va devenir sa femme qui va lui donner Salomon, le roi type Messie qui va venir pour manifester le royaume et qui va avoir la domination plus tard dans le royaume. Bathsheba finalement devient la femme de David, sans que David n'ait pris. En fait, nulle part ici, pour tout ceci que nous avons vu là, de façon spécifique, les gens qui ont été mariés n'ont pas prié eux-mêmes pour savoir si c'est la volonté de Dieu qu'ils épousent cette femme ou pas. N'est-ce pas? Moi, donc, je vous pose la question. Comment savait-il avec certitude que c'était la femme? Et pourquoi n'avait-il pas ces ambiguïtés que nous avons aujourd'hui? Dans ces cas, pourquoi vous dites donc que je vais aller prier pour demander Dieu si c'est ma femme? Je vais aller prier pour demander Dieu si c'était la volonté qui m'a mariée avec telle personne. Pourtant, eux, ils n'avaient pas cela. C'est la question que je pose ici. Vous savez, la relation avec le Seigneur, ils étaient très. Ils avaient un lien avec le Seigneur vraiment très proche. Alors aujourd'hui, on a tendance à. Notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas trop ça. Donc, on n'a pas la direction qu'il faut, mon frère. Que pensez-vous David... de Joseph, le père adoptif de Jésus, par rapport à son mariage avec Marie? En tout cas, ce que je vais présenter maintenant, c'est que pourquoi ceux de là-bas n'avaient pas des ambiguïtés du mariage que nous avons aujourd'hui. En tout cas, même pas seulement le mariage, mais tous les autres genres de questionnements. Vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé, et puis j'ai dit, par exemple, en parlant à Myriam, est-ce que Satan peut modifier toutes ces choses-là, le songe et tous les autres? Elle a dit oui, effectivement. Vous avez attesté que par oui, il peut donner des visions, il peut donner des songes aussi comme ça pour embrouiller les gens. Il peut même parler par la voix, par les voix aussi pour embrouiller. La question c'est, Satan, est-ce que c'est dans cette génération de la grâce qu'il existe? Pourquoi? Non. Dans aucun c'est, des cas, c'est la question là, que je me posais même, mon frère, parce que je pars du principe que quand on est enfant de Dieu, quand on est, on a toute sa confiance dans le Seigneur, je pense qu'on est plus dirigé par le Saint-Esprit, quoi. Voilà. Que la première image, la première impression qu'on ressent vraiment, c'est le c'est le Saint-Esprit qui nous la met quoi en nous. Oui. Alors mais je pose la question en prenant ton exemple vers la sœur Amisa Ami. Oui, mon frère. Depuis que tu es chrétien, quelqu'un s'est-il dirigé vers toi pour te parler et ton cœur vibré? Ce serait très difficile parce que ton cœur est devenu fort quoi et serré. Non, c'est pas ça, c'est pas ma préoccupation pour le moment. Donc peut-être que bon, non, mon cœur n'a pas non. Ne t'inquiète pas, sache aussi que Rebecca quand elle habitait chez eux là-bas, il n'avait pas de préoccupation du mariage parce que Eliezer vient, n'est-ce pas? Donc, parce que d'autres domaines, là, c'est que non, je ne pense même pas au mariage. Quand tu ne penses même pas au mariage, ça ne veut pas dire que tu n'es pas éligible pour te marier. Parce que ce n'est pas biblique, ça, tout ça. Vous pouvez quitter comme ça pour aller au marché et puis le mariage engage là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Rebecca, elle est partée pour faire à boire. Quand elle partait, elle était même bergère. Quand elle partait pour aller faire à boire à ses brebis, elle pensait au mariage, elle priait pour le mariage. Elle est allée là-bas, c'est là où son problème a commencé, pas vrai? Mais pas la suite, quand on a demandé à récupérer la jeune fille demandant son avis, elle a dit que oui, je partirai. Elle partait où sans avoir vu la personne. Puisque tout à l'heure, nous parlions des conditions que, ok, la personne doit être gigantesque, gros, musclé, autre. Quand elle partait comme ça, il y avait l'image. Eliezer n'est pas venu avec la photo de le WhatsApp qu'il a filmé sur Isaac. N'est-ce pas, mes soeurs? Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Nous examinons des questions autour du mariage, n'est-ce pas? Et au cours d'une relation, autour d'une relation sentimentale. Mm-hmm. N'est-ce pas? Ou bien vous ne voulez plus qu'on en parle? Ça vous dérange? Non, si c'est le Seigneur qui a compris ça, autant continuer. Quel est l'élément de notre vie et de notre cœur qui pousse à comprendre que l'autre c'est mon partenaire? Quel? En regardant à l'image, les choses qui sont présentées dans les Saintes Écritures, quel est l'élément? Parce que là, de toutes les façons, il n'est question nulle part ici des prières. Bien que la prière soit incluse, il est question dans tous les cas que nous avons vus ici des prières. N'est-ce pas? Non. Quand Joseph, la Bible nous informe donc que Joseph prie pour femme telle. Il engendra Emmanuel et Ephraim. On nous informe que Moïse prie pour femme Séphora. Il prie pour femme encore cette égyptienne. Voilà tout ce que la Bible nous déclare. Pourquoi il prenait les femmes facilement? Sans ambiguïté. Et si vous voulez demander maintenant que non, il faut regarder le père spirituel ou le domaine spirituel de ces femmes-là. La maison de Potiphar, vous savez de quoi il est question, est-ce qu'on adore là-bas? Trop de connaissances dans cette génération. Trop de connaissances dans cette génération. Donc on veut même mystifier ce qui n'est pas mystique, n'est-ce pas? Quand Adam s'est tourné vers Ève, il a dit l'os de mes os, de ma chair, n'est pas demandé que ta famille, là, le background, c'est comment, n'est-ce pas? Que tu sois... Maintenant, il y a une question qui vient toujours. Oui. À partir d'où c'est déclaré, à partir d'où on déclare que voici l'os de mes os, chair de ma chair. Mm-hmm. À partir d'où, de quel moment. Mm-hmm. Mais pourquoi tu déclares comme ça, il faut que tu aies déjà choisi, n'est-ce pas? Hello, non, là, par exemple, on est à la Genèse. Mm-hmm. Puisque c'est le premier mariage là-bas. Oui. Voilà. Fred, comme la connexion est bonne, je te pose la question autour de ces questions sentimentales. La question que je te pose, c'est, d'après la Bible, c'était le cas d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, le cas de Samson que nous venons de lire dans le livre de Juges chapitre 14, le cas de Marie, Joseph de Marie, ainsi de suite, le cas des apôtres de Pierre qui ont sont mariés sans ambiguïté. Et vous avez convenu avec moi que Satan est là depuis longtemps. Pourquoi c'est cette période-ci que nous avons des problèmes avec le mariage, avec le Satan, ou même dans les églises, on dit que non, tel n'est pas ton mari, c'est pas toi, va plutôt là-bas, barguer que les personnes sont mariées. Pourquoi? Pourquoi eux n'avaient pas d'ambiguïté pour se marier? Je crois que la sœur a une réponse. Oui, sœur, dis-nous. Pourquoi c'est difficile, pourquoi ça semble difficile aux chrétiens maintenant de trouver l'âme sœur, comme on dit, pourquoi? Je pense pas avoir vraiment la réponse, mais je me dis, comme je sais pas qui a parlé de ça, de nos jours en fait, on n'a pas une bonne relation avec le Seigneur. Mmh. Et là, on tourne un peu partout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'élément biblique en fait, je pense que c'est l'amour en fait. C'est l'amour. Mmh. Cet amour-là qui doit être la manche. Le seul élément biblique. Parce qu'on parle de vérifier bibliquement si machin, si si connaît la parole, et tu as pris bien l'exemple, si c'est un catholique, il n'est pas forcément chrétien, il peut être chrétien sans toutes trois lettres. Mm-hmm. Mais moi, je pense que je suis convaincue que l'élément, ça, c'est... Que l'élément, c'est l'amour. En fait. Bon, maintenant, restons-en, mais en avance, pour y poser la question. N'est-ce pas? La Bible déclare justement, parlant de l'amour, que quand Isaac a vu Rebecca, à cet instant-là, il a pris chez elle et il l'aima. Mm-hmm. La Bible déclare que Jacob a aimé tellement Rachel au point où 7 ans pour lui devenir comme 7 minutes, pas vrai, dans sa nouvelle technologie. Alors, donc, à quel moment donc savoir qu'on aime, que ce n'est pas des sentiments charnels? Comment discerner quand ce n'est pas le coup de foot qui a fait bois da da da da da da da? Mon frère, on le sait. Attends, je crois que quoi, Myriam voulait dire quelque chose. Myriam, tu en as dit quelque chose quoi sur ton lit? Son micro est fermé. Allô? Oui, parle. Je parle que quoi? Tu as déjà eu à aimer un homme? Oui, frère. Tu as déjà eu à aimer? Oui. Tu as aimé comment? D'un seul coup ou bien c'est venu au fait avec le temps? Avec le temps. Avec le temps. Donc, dès le départ, quand on t'a dragué, tu avais refusé. Mais tu le faisais chanter, il faisait tourner en rond. Non, il y a différents scénarios. Il y a des cas où j'ai refusé d'abord, il y a des cas où j'ai accepté. Donc, tu as eu plusieurs amours. Oui. Ok. Bon, non, c'est intéressant. Dans le premier cas, ton amour finalement, avant que vous ne cessiez, ton amour est allé où? L'amour que tu avais là? On a posé ça la dernière fois. C'est ça, c'est la suite, c'est la deuxième partie. Oh. On a posé ça. Mm-hmm. L'amour là, je m'étais finalement rendu compte que bon. Que ce n'était pas le vrai amour. Je crois qu'on aime, mais ce n'est pas. Voilà. C'est pour cela que j'étais prise comme cobaye pour qu'on revienne avec la sœur Reine. Pour qu'on puisse bien discerner. Mm-hmm. Puisque tu dis que dès le départ, plus pour le premier, tu as aimé. Et c'est ça que c'est toi qui définissais ça comme étant amour. Maintenant, mm-hmm. La sœur Reine dit que l'élément fondamental, c'est l'amour. Combien de personnes ont souffert, vous les jeunes filles, avez souffert de quelqu'un que vous avez aimé, vous avez dit souffert, et la personne n'a même pas compris ce que vous avez pu à ressentir. Et puis vous pensez que c'était l'amour, et puis subitement, c'était terminé. Maintenant, quand tu dis, ça dit que tu t'es trompé sur ce que c'est que l'amour, comment on définit l'amour dans son cœur lorsqu'on est vers un partenaire? Comment ça se manifeste? La sœur Christiane en a vécu des expériences. Certainement, va nous raconter. Sœur Christiane, tu as la parole. Tu vas parler de ton cas. Parce que toutes ces questions que je suis en train de vous parler, vos jeunes filles vont être confrontées à cela. Vous qui avez les jeunes garçons, elles vont venir vers vous en disant que maman, j'aime ce garçon, je suis tombée amoureuse de lui. Il y a des personnes qui viennent me voir, par exemple, il y a le cas de une jeune fille qui est venue me voir, que c'était un musulman qui était venu, qui elle dit que je l'aime tellement à en mourir. Vous savez cela? Mais elle ne savait pas qu'en réalité, ce musulman avait pratiqué, elle avait envoûté. Mais pour elle, elle déclarait qu'elle l'aimait. Vous voyez, il y a des hommes qui peuvent vous saluer avec tout simplement avec du parfum comme ça et vous tombez amoureux. Vous voyez? Le coup de foudre, c'est ça. Coup de foudre, ça fait bon. Quand il y a le coup de foudre, c'est pour détruire, c'est pour construire. Détruire. C'est pour détruire. Donc, si vous êtes dans le coup de foudre, il faut quitter rapidement. Mais l'esprit, ce n'est que la grâce de Dieu. Hein. Ce n'est que la grâce de Dieu. Dis-nous, la sœur Christiane. J'ai vécu ce truc, je n'avais jamais connu ça. Bon, j'ai vécu ce truc étant chrétienne. Oui. J'étais en période de séparation avec mon mari qu'on avait divorcé. Oui. Dans mon travail, j'ai vécu ça avec le petit-fils de mon patron, mais j'ai palpé c'est quoi le démon du coup de foudre. Raconte-nous. Comme la soeur dit, par exemple, tout à l'heure, je pense qu'au mariage. Moi, quand j'étais séparée, c'est fini le mariage, moi, c'était que Dieu. Dieu, mes enfants. Je n'avais plus rien à faire du monde. Mais moi qui étais si spirituelle, un jour, ce garçon, on parlait comme ça. Encore le danger d'avoir des conversations avec le sexe opposé. On discutait, on parlait de tout et de rien. Et puis, il est parti en voyage. Il est rentré, il habite en Angleterre, il est parti. Je me rappelle que je faisais les ménages à ce moment. J'étais dame de ménage de son grand. Attends, il habite en Angleterre, là où Myriam se trouve, c'est ça? Oui. Ah, ok, continue. J'étais dame de ménage de son grand-père. Donc, quand il part, moi, je monte. En gros, pour faire le ménage, j'ai eu une sensation, je ne voudrais jamais ça. J'ai ouvert la porte. Quelque chose m'a pénétré de la tête jusqu'aux jambes. Je n'oublierai jamais la sensation que j'ai eue ce jour-là. tout d'un coup, j'ai été habitée de quelque chose. Et j'ai commencé à avoir des douleurs de l'âme, à commencer à pleurer, comme si j'entendais des mélodies. Tu vois, quand tu entends des belles mélodies qui te font pleurer, c'est comme s'il y avait tout un voile autour de moi. Je me mettais à pleurer. Et puis, je m'en vais prendre ces photos, je regarde ces photos, je pleure, comme si je pleurais sur un vieil amour qui est parti. Et pendant deux semaines, deux, trois... Mais excusez-moi, je vais donner ce témoignage que Dieu permet que je parle aujourd'hui. Mmh. J'ai tellement crié à Dieu pendant ce temps dans ma chambre. Il y avait comme des vents dans ma chambre qui passaient. Je m'accrochais au mur, je dis, Seigneur, je sens que j'aime cet homme. Il y a quelque chose qui m'entend, moi. Je l'aime, mais je sais que toi, tu n'es pas pour ça. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Un jour, je vais au travail pour dire comment Satan a décidé de nous achever. Un jour, je vais au travail, son petit frère qui habitait dans la maison, il ne savait rien de ce qui se passait en moi. J'arrive le matin, il est dans le salon, il me regarde, il me dit, au fait, Christiane, ça te dirait d'épouser Tim? Il me sort ça comme ça. Ce serait une bonne idée si tu te maries avec Tim. Donc, avec son grand frère dont j'étais en train de vivre ce combat. Je suis restée comme ça, je suis allée tomber dans la cuisine. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, l'ennemi, franchement, c'est vrai. Le coup de ces démons existe. Je ne sais pas comment j'ai crié à Dieu. J'ai pris un jeûne, voilà, quand ça me revient. J'ai pris un jeûne de 7 jours. J'ai dit, Seigneur, cette histoire, je n'en comprends plus. Je fais le jeûne. Un frère avec qui je parle, il m'arrivait de prier. On ne s'était pas vu pendant cette période. Il m'appelle peut-être au bout de 2-3 jours de jeûne. Il m'appelle. Dans la réalité, il m'appelle. Il me dit, Christiane, tu es en train de faire un jeûne. Hein. J'ai fait un songe. Le Seigneur dit qu'il faut que tu arrêtes ton jeûne là parce que ça ne vaut pas la peine. Je dis, mais quoi? Donc, et heureusement que j'étais entêtée, j'ai dit, je vais aller au bout de mon jeûne. Parce que je ne comprends pas. Vous voyez, c'était pas. Il n'y avait personne. Personne ne savait. Mis à part une sœur à qui je partageais, aucune personne ne savait ce que je vivais en moi. Mais regardez tous les acteurs qui sont entrés pour que je tombe. Et j'ai réalisé que oui, le démon du coup de foudre existe. Il existe. Et Satan veut vraiment en finir avec les enfants de Dieu. Mais comme je dis toujours que, je disais, ceux qui sont des brebis de Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Quand il voit le désir qu'il y a dans nos cœurs, il nous ramène toujours. Ça, c'est l'expérience que j'ai vécue dans ce moment. Ah, mais vous voyez comment le Saint-Esprit peut conduire la soirée, n'est-ce pas, mes soeurs? Mm-hmm. Vous voyez? Maintenant, la soeur Christiane, merci pour ton témoignage. Restons autour de ton témoignage. C'est-à-dire que non seulement tu vivais ça seul et tu sentais la pression. Déjà, le premier lien, c'est que quelque chose, tu as senti quelque chose littéralement entrer en toi pour te manipuler. Pour certaines personnes, pour toi, tu as senti ça physiquement parce que ton corps spirituel est développé. Pour d'autres personnes, ça t'arrive, tu as comme impression, c'est ça le vrai problème. Tu as comme impression que c'est toi qui en as aimé. Alors que c'est un être qui est en toi pour te pousser dans cette direction. Tu ne sais même pas de quoi il est question. Pour ton cas particulièrement, il est question que tu as senti cette chose-là t'aller. C'est pour cela que tu ne t'es pas abandonné. Maintenant, le petit frère de ce monsieur, de celui-là, vient encore réitérer cela. Qui en a parlé au travers de lui? Alors qu'il le dit sans ce que semble naturellement. Ton micro est fermé, vous voyez? J'ai dit Dieu seul sait. Voilà. Et puis par la suite maintenant, tu engages le jeune pour pouvoir briser cela. Un chrétien cette fois-ci t'appelle. Que Dieu lui a montré que tu en as fait un jeûne. Vrai. Tu faisais le jeûne, pas vrai? Oui. Y a-t-il possibilité que c'est Dieu qui lui ait montré cela et demande d'arrêter? Je voulais dire, est-ce que d'après normalement, c'est Dieu qui aurait demandé que tu arrêtes? Et quoi, nous avons quelques soucis avec la connexion là maintenant. Wow. Allô, vous m'entendez là? Oui. Voilà, je crois que ouais, effectivement, que peut-être que ce sont les ondes là qui sont venues jusqu'ici. Alors, je suis en train de demander, est-ce que c'est normalement, c'est-à-dire en regardant les circonstances maintenant avec le feedback, est-ce que c'était Dieu qui avait révélé à cette personne de t'appeler pour te demander d'arrêter le jeûne? Non. Voilà. Mais cette personne a eu une révélation, étant chrétien, pas vrai? Oui. Sa révélation venait de qui? Bienvenue dans la sainteté, bonsoir. Nous voyons ce soir les questions sentimentales, ces questions qui dérangent les gens, que des gens souffrent à petit feu, chacun sous son oreiller. D'autres personnes pleurent, d'autres personnes regardent des photos comme le cas des sœurs Christiane. C'est toi, elle sait qui pouvait savoir ce qu'elle sait par quoi elle traversait. Dans des foyers, on souffre parce qu'on ne se fait pas comprendre. Là, des choses nous arrivent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là, vous avez des jeunes enfants, des jeunes filles. Elles vont arriver à des âges dont le corps vont commencer à se métamorphoser. Elles vont commencer à tomber amoureux. Peut-être, d'autres vont tomber en voyant tout simplement le sourire d'un garçon. et puis elle va commencer à tomber amoureuse, développer des caractères qui vont commencer à les troubler. Et vous aurez à répondre à toutes ces questions que nous avons vues. D'autres encore vont tomber amoureux des personnes qui sont peu recommandables. Vous allez beau faire n'importe comment présenter les versions bibliques, prendre les versions Ostéval, version Gabé et toutes les autres versions, même en français, parce qu'ils vont dire, maman, ce que tu dis est vrai, mais c'est lui que j'aime. Vous allez pleurer toutes les nuits, courir les larmes pour le Seigneur, devant le Seigneur pour que sa chance se casse. Parce que le cœur a ses raisons, que la raison est même peu ignorée. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Je voulais rajouter encore, si tu permets. Ajoute, ma soeur. C'est que, pour voir à quel point Dieu, je pense que dans toute chose, Dieu est derrière. Il nous éprouve aussi, je pense. Mais la seule sœur à qui je partageais ça, le Seigneur avait permis que la seule sœur à qui je partageais n'était pas encore assez mature. Donc, elle m'enfonçait même encore. Que Dieu la bénisse, mais et dont je n'avais pas de soutien si ce n'était que de regarder vers le ciel. Oui. Elle t'enfonçait en faisant comment? Dans le sens de me dire qu'elle faisait bien, elle pensait faire bien. Me dit, Christiane, tu es vraiment, depuis que tu as souffert, quand j'étais retrouvée seule avec les trois enfants, vraiment c'est ta part, c'est ta bénédiction que Dieu a envoyée. C'est ta part de mari, ta bénédiction que Dieu a envoyée. Surtout que c'était une famille très aisée. C'est ta part de bénédiction. Heureusement, je bénis Dieu, comme tu dis. Peut-être c'est la relation que j'avais avec le Seigneur qui faisait que, j'ai dit, papa, je ne faisais que crier à Dieu. Je disais, et j'étais vrai, je dis, Seigneur, dans mon cœur, je ressens des sentiments d'amour. Je ressens des sentiments de tendresse. Et je lève les yeux vers toi. Voilà. Maintenant, ma soeur, attends, j'arrive bien vers toi. Donc, maintenant, regardez bien la pression qui lui arrive au point où on ressent ce qu'on appelle amour. Dans ces cas, donc, comment savoir si ce que nous sommes de ressentir vers quelqu'un n'est pas manipulé par un autre être? Avec tout ce que nous sommes de voir ce soir, si vous voyez comment c'est dangereux, n'est-ce pas, mes soeurs? J'avais même fait un songe où j'étais dans une voiture, j'avais fait un enfant. Oui, avec lui. Oui. Alors, il y a d'autres personnes qui rêvent plutôt comme si on allait monter les escalons, on allait taper la cloche de l'église, il y a les bagues. Seigneur. T'as pas, c'est pas le rêve, c'est le physique, n'est-ce pas, ma soeur? Belgique dans la sainteté, bonsoir. La soeur Myriam, tu veux parler? Alors, avant que Myriam ne prenne la parole, je voudrais insister sur le cas de la soeur Christiane. Et quand le garçon, comme il avait voyagé, quand il est venu, comment ça s'est passé et comment tu as pu résoudre le problème? Quand je t'ai dit après, quand j'ai forcé, je crois que j'ai forcé, je veux dire forcé, parce que le jeune là, c'était ma dernière chance. Je sors de cette histoire. Mais le Seigneur m'a libéré de ça. Je dis que je n'ai même rien compris. J'ai été délivré. Au bout de 2-3 semaines, j'ai été délivré. Tous les sentiments étaient partis, tout. Et effectivement, deux ans plus tard, le Seigneur m'a dit de rentrer chez mon mari. Un an et demi ou deux ans plus tard. J'étais libéré comme ça. Je l'ai même encore revu, c'était naturel, tout simplement. C'était le simple comme ça. Oui. Ça veut dire que dans le moment où il y avait cette pression-là, s'il n'avait pas voyagé pour l'Angleterre, tu aurais été cuite alors. J'aurais été, mais c'était. Ce qui m'avait le plus choqué, c'est que son frère, le matin, là, il m'a dit, est-ce que ce serait une bonne chose si tu te mariais avec lui? Peut-être qu'il a eu la révélation dans la nuit. Ah! Qu'il nous voit lui dire que quand tu me vois comme ça, Christian, c'est la femme que j'ai préparée pour l'autre. Non, Dieu est bon. Franchement, notre Dieu, il est grand. Amen. Amen, ma soeur. Donc, nous devons veiller sur nos sentiments pour voir si c'est manipulé par nos émotions, si nos émotions, nos sentiments sont manipulés par les esprits démoniaques. Parce que leur but, principalement, c'est de nous créer dans le choc, envoyer dans les mauvaises choses, afin que vous preniez des mauvaises décisions plus tard, divorcer, et que vous soyez coupable devant le Seigneur. Frédéric Mayor, tu es en train d'entendre ces choses-là. Ça te donne maintenant de te marier plus tard? Si oui, comment tu vas faire? Je ne sais pas encore. Tu ne penses pas à ça, non? Oui. Ok. La soeur Christian, quand tu travailles là-bas, tu travailles, peut-être tu lavais le sol, tu es en train d'arranger la penderie. Est-ce que tu pensais au mariage? Non, frère. Le coup de foot a pris comment? N'est-ce pas? Plus sainte que moi à l'époque, il n'y avait pas. Voilà. Frédéric Mayor, tu as entendu? Mais c'est moi qui ai été ramassé. Tu vois, c'est. Frédéric Mayor, tu as entendu, non? Oui. Alors, les soeurs qui nous écoutent là, qui a tombé amoureuse ou bien on tombe amoureux? Ça m'a rappelé un peu mon histoire. C'est qui ça encore? C'est la soeur Claudon. Ah, le soeur Claudon, dis-nous comment tu es tombé. Tu es tombé sur la église. Tu n'as pas de sang. Non, je n'étais pas chrétienne, mon frère. Oui, voilà les excuses. Donc, il y a les mariages. C'est le Seigneur qui m'a délivré de ça, vraiment. Je lui rends grâce tous les jours pour cela. C'était terrible. Vous avez des coups de foudre. Tu as aussi eu des coups de foudre. C'était le coup de foot, parce que c'est le coup de foot que nous traitons maintenant. dans le cas des sentiments. Je crois qu'après, ça a été un coup de foudre. Après, je ne sais pas si c'est possible, mais après, je me suis mise à aimer la personne comme si, je ne sais pas. Je ne sais pas, même en étant dans le monde, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas normal. J'aimais tellement cette personne que j'ai fait une bêtise terrible. Allons-y à la genèse. Comment ça s'est passé? Ah, mon frère, ça va être... C'est trop long, c'est trop long. Bon, dis-nous comment le coup de foudre s'est passé. Ah, mon frère. En fait, c'est une personne que j'ai commencé... Alors, c'est terrible parce que ce garçon-là était... On était liés par alliance, en fait. Parce que sa sœur était mariée à mon oncle. Donc, de ce fait, on se croisait par moments. Et c'était en région parisienne. Et une fois, il avait demandé à ce que je passe le voir. Et c'est comme ça. Bon, j'étais dans le monde, hein, vraiment. J'étais dans le monde. Oui, on comprend. Je tiens à préciser. Ne me jugez pas. Nous partageons pour nous édifier les uns les autres, pour comprendre les différents débois et aider les uns les autres. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il a réussi à m'amadouer, qu'il voulait. Et moi, je sais que déjà, je voulais trop me poser. Je voulais avoir... Moi, j'étais trop sérieuse. Je crois que c'est ça qui repoussait les hommes. Hein. J'étais trop, trop sérieuse. Quand j'étais avec un homme, c'est tout de suite, c'est mariage, enfant et tout ça, quoi. Mais il s'en allait aussitôt. Et donc, ce garçon-là, donc on a consommé, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, je me suis mise à l'aimer. Mais à l'aimer, c'est... Et surtout qu'on ne pouvait pas se montrer parce qu'il ne fallait pas que la famille le sache. Moi, ça... Donc, c'était une relation incestueuse. Tu avais le coup de foudre dans une relation incestueuse. Non! Par alliance. Mais par alliance, oui. Mais ce n'était pas normal dans le cadre africain, n'est-ce pas? Parce que vous êtes très proche. Non. Pardon, excuse-moi. Il dit, dans le cadre africain, vous êtes très proche. Ça veut dire que normalement, dans les pensées, ça n'ira pas. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire que le mariage serait impossible avec lui, pas? Oui, parce que, enfin, pour moi, ça ne me dérangeait pas. Mais il disait qu'il prenait l'excuse de sa soeur, parce que sa soeur est mariée à mon oncle. Donc, du coup, non, ce n'était pas possible. Alors qu'il n'y avait rien de... Il est très direct. Voilà. Moi, ça, en fait, j'ai compris après, c'est juste parce qu'il ne voulait pas s'engager avec moi. Il a vu que j'étais trop à fond et il ne voulait pas, en fait. Et dans ce moment-là, est-ce que lui, il te disait aussi qu'il t'aimait? Non. Elle la main. Non. Donc, il ne disait pas qu'il t'aime. Attends, mon frère, je m'explique. En fait, lui, quand je lui demandais, je lui ai dit, je ne comprends pas, je fais tout pour toi. Et je te dis que je t'aime, je te le prouve tous les jours, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tes sentiments pour moi et tout? Alors, il me disait que moi, tu sais que mes sentiments, je ne les montre pas. Il cache ses sentiments. Il dit, mes sentiments, je ne les montre pas. Enfin, mes sentiments, je ne les dis pas, je les montre. Je dis, mais justement, même dans ta réaction, je ne comprends pas et tout. Donc, mais moi, j'étais love, j'étais vraiment love, quoi. Donc, j'étais à fond sur lui, j'étais à fond. Mais il y avait quelque chose de bizarre, c'est que à chaque fois, il me demandait de l'aider financièrement, en fait. Les voilà. Donc, c'était pas pur par intérêt, en fait, qu'il était avec moi. Oui. Par intérêt. Ma soeur, laissons les tables là. Nous nous intéressons dans les effets de cœur parce que c'est de là-bas qu'il faut faire le choix. Comment discerner, comment as-tu fait donc pour tomber amoureux? T'as pas c'était l'amour, mais c'était le coup de foudre. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au début, c'était de l'amour. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que après, ça a dû se transformer en coup de foudre? Parce que longtemps après, bon, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée avec lui. Et ce garçon-là, il m'a recontacté. Et quand il m'a recontacté, tout est revenu, mon frère. Et là, en puissance, je n'ai pas compris. Alors que là, tu t'es engagée maintenant dans le mariage. Alors, j'étais mariée, mon frère. Comment tu as géré ça, ma chère? Tu souffrais alors. En fait, j'ai souffert de ça. J'en ai souffert. Mmh. Et pour revenir à cette histoire, je ne sais pas si je peux le dire. J'ai commis l'irréparable, en fait. J'ai fait quelque chose de très grave. Oui. Parce que j'étais vraiment, c'était comme une attraction, quoi. Et j'étais attirée par ce garçon. Oui. Avant de ne pas dire certaines choses, est-ce que ça, quand tu souffrais, ça s'empiétait dans ton couple, dans ta relation avec ton mari? Oui, oh là là, mon frère, je te dis que. Ah, rien que d'y penser, ça me fait mal. Oui. Ton mari ressentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui. Ah oui, mais je le lui ai dit après. Mm-hmm. Je ne pouvais même pas le garder. Mm. Je ne pouvais pas le garder. Mm. Parce que, bon, pour dire le mot, je l'ai trompé, quoi. Je l'ai trompé avec ce garçon. Oui, et comment tu as pu résoudre cela? Je t'ai dit, c'est le Seigneur. Comment? C'est le Seigneur, mon frère. Comment? Là, c'était en Hollande. Mmh. Non, je voulais dire comment le Seigneur a résolu cela. Comment ça s'est parce que pour le cas d'éclatation chrétienne, elle a entrepris un jeûne et dans ce jeûne-là, il y avait des obstacles par la suite, cela, et puis c'est sorti. Comment, pour ton cas, comment ça s'est passé? Puisque là, tu n'es pas encore croyant. Là, tu n'es pas encore croyant. Je n'étais pas encore croyant. Oui, tu dis que c'est le Seigneur qui t'en a sorti là-bas parce que tu n'es pas croyant. Dis-nous. Effectivement. Alors, en fait, donc, en Hollande, j'étais rentrée en contact avec lui. On se voyait pas physiquement, mais il se passait des choses on s'envoyait des messages, des choses comme ça, des... Enfin, voilà, quoi. Et je n'entre pas dans les détails parce que c'est très sale, c'est vraiment... C'est pour ça que... Non, allons-y droit au but. Comment Dieu a résolu ça? Voilà. Et donc, et je demandais, je ne sais pas, je n'étais pas chrétienne, hein, mais je ne sais pas, dans mon intérieur, je parlais à Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu là qui m'entendait. Je disais, oh Dieu, aide-moi dans cette chose parce que là, ça va détruire mon couple. J'envisageais même de quitter mon mari pour lui. Mmh. C'était tellement fort, c'était puissant, mon frère. Je pouvais pas lutter contre ça. J'étais attirée par ce garçon. Et donc dans mes moments d'intimité, je disais, Seigneur, je pleurais, je disais, Seigneur, aide-moi. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mmh. Et donc un jour, mon mari tombe sur des messages dont on s'était échangé avec ce garçon. Et il me dit, tu vas recommencer avec lui. Je dis non. Donc, en fait, je le mentais en plus. Je faisais que le mentir. Je lui cachais des choses et tout ça. Alors maintenant, avant que tu ne continues, ma soeur, tu vois effectivement la dangerosité de collaborer avec le sexe opposé, n'est-ce pas? Que vous soyez marié ou que vous ne soyez pas. Que vous soyez chrétien ou pas. Parce que le cadre de la fornication, il n'est pas dit que quelqu'un puisse résister. Il est question de dire, il est dit dans la Bible qu'on doit fuir. Et l'ordre de fuir est adressé de façon spécifique aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez voir les frères et les sœurs qui continuent à causer jusqu'à 4 heures ensemble. Il faut faire attention. À cet instant-là, des choses, vous allez commencer à avoir des visions en disant que vous êtes, le Seigneur m'a montré que c'est ton mari au là-bas. Alors que c'est l'esprit qui était venu donner le coup de foudre à notre sœur Christiane. Oui. Mmh. Mmh. D'accord. Donc, dans ces choses-là, il faut vraiment, vraiment mettre des barrières là-dessus. Il profite de cela pour dire par rapport aux frères et sœurs qui commencent à causer en disant non, nous tenons ici, je m'exhorte avec elle seulement. Faites attention. Que vous soyez marié ou pas, que vous soyez libre, alors si vous êtes libre, c'est encore davantage grave. Si vous êtes encore marié, c'est aussi grave. Donc, ne donnez pas place à Satan par rapport à cela. Amen, mon frère. Voilà, donc ma soeur, tu criais donc au Seigneur. Et qu'est-ce que comment le Seigneur a résolu ça? Oui, alors un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais encore une fois, avec le recul, je me dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé ce jour-là. Je me lève, je sors du lit, je me lève, je soupire comme ça. Dieu, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Montre-toi, je sais pas, j'ai sorti quelque chose comme ça. J'ai soupiré comme ça. Et après, je suis passée outre, j'avais complètement oublié. Peu de temps après, je commence à recevoir des choses, je sais pas. J'étais attirée par un bouquin qui me disait, lis-moi, un livre que j'avais acheté quand j'étais catholique, quand je fréquentais encore les églises éveillées. J'achetais plein de bouquins, je sais pas pourquoi, mais il fallait que je les achète. Mais je les avais gardés, je les avais pas jetés. Et ce livre-là particulièrement, j'étais attirée, je ne sais pas pourquoi. Lis-moi. Donc un jour, je le prends comme ça, je commence à lire, à feuilleter, à lire. Oh! Et là, je ne sais pas, plus je lisais et plus ça m'impactait, quoi. Ça parlait de Dieu. En fait, c'était un bouquin, c'était C'est quand, la, quand Bible c'est... Pour, c'est quand... la Bible pour les nuls, quelque chose comme ça, en fait. Voilà. Et c'était tellement clair, c'était pas, c'était avec des mots simples, en fait. Et je, c'est-à-dire, quand je lisais ça, j'étais attirée. Donc, il t'expliquait comment fuir tout ce que Dieu n'aimait pas. Il t'expliquait comment il faut s'engager avec Dieu. Il t'expliquait tout. J'étais attirée, ça m'impactait. Et il te disait, il te mettait même des versets bibliques. Et je sais pas pourquoi, je me dis, j'avais hâte de lire la Bible. Et c'est comme ça que progressivement Dieu a commencé à m'ouvrir les portes. Et puis il y a un jeune garçon qui prêchait dans les métros à Paris. Je suis tombée sur un de ses vidéos et je l'ai suivi comme ça. Et ce qu'il disait, ça m'a. Je sais donc, pas comment t'expliquer ça. Donc ton cœur, quand la parole frappait dans ton cœur, ça brûlait quoi. Ah oui, mais c'était incroyable. En fin de compte, je te pose la question. En fin de compte, ce que tu ressentais pour le garçon là est finalement mort, disparu. Et c'était ça, mon frère. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à lire, ce livre-là expliquait comment la fornication, l'adultère et tout ça. Plus je lisais, plus j'étais attirée par les choses de Dieu. Et tu voyais comment tu étais sale, tu étais souillée. Oh, mon frère. Ah oui, parfaitement. Et je savais que je ne voulais plus de cette voie-là. Je savais que je voulais m'engager avec Dieu. Je savais que c'était ça, ma place. C'était ça que je voulais. Et là, tout a disparu du jour au lendemain, comme ça, comme disait la sœur. Quand le Fils vous affranchit... J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je reste avec toi, la sœur Suzanne. Il te pose la question. Après cet période où tu as bagarré avec le Seigneur, que le Seigneur t'a guidé tel que tu l'as décrit, est-ce que ces garçons t'ont contacté encore, puisqu'il avait ton numéro? Alors, ça c'est une très très bonne question. Alors, je vais t'expliquer. On devait se voir. Il était censé venir me voir en Hollande. J'avais même... Écoute, en ce moment, le Seigneur commençait déjà à me travailler. D'accord. Et donc, du coup, j'avais même réservé la chambre d'hôtel et tout ça. Tout ça, à l'insu de ton mari. Oui. Avec le frère de concubinage de ton mari. Ah oui, mon frère. Et donc, j'avais réservé. Tu me salues le monsieur que le nom en demande, d'accord? Tu lui dis un petit bonsoir à l'oreille, de façon particulière, d'accord? Oui. Il a souffert, le pauvre. Oui, tu lui dis que le Seigneur le bénisse. Amen. Nous sommes ici pour aider les gens, c'est plus pour toi parce que ça a été déjà pardonné. Ce n'est plus pour toi. Oui, on ne dit pas cela pour pouvoir dire. C'est pour ça que je n'ai plus honte d'en parler, mon frère. Avant, j'avais trop honte. Maintenant, c'est fini. Je veux en parler librement. Amen. Et donc, du coup, j'avais tout réservé et tout ça à mes frères, bien évidemment. Et donc, du coup, il était question qu'il vienne. Mais comme je le connaissais déjà auparavant, c'est quelqu'un qui changeait beaucoup d'avis. Oui, je viens, oui, je viens pas, oui, je viens, je viens pas. Donc, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Je veux que si ce garçon-là, si je dois le voir, si je le vois, ça veut dire que c'est lui, mon mari. Si je ne le vois pas, s'il ne vient pas... Attends. Oui. Là, tu es mariée avec ton mari d'actuel. Oui. Et tu cherches encore. Mais je ne le connaissais pas encore. Tu cherches encore que j'allais le marier. Tu voulais être polygame? Non, mon frère, parce que en fait, je l'aimais tellement. Ah, ok. Donc tu voulais savoir si c'était lui, tu te sépares de celui-ci pour aller là-bas. Voilà. Ok, j'ai tout compris. Mais je ne connaissais pas encore la parole et tout ça, tu vois. Et donc voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Vu que je ne connaissais pas, pour moi, c'était Dieu qui allait me guider. J'ai dit, Seigneur, si ce garçon-là vient, donc c'est que c'est lui que tu as prévu pour moi. S'il ne vient pas, donc peut-être que ça sera le signe que je dois me séparer de mon mari actuel. C'est comme ça que j'avais fait la chose. Et donc j'ai mis ça en prière. Écoute, le garçon n'est pas venu. J'ai dit terminé. Terminé. J'ai tout fermé. Quelques jours après, sa copine, sa femme, non, je ne sais pas si c'est sa copine ou c'est sa femme, bon, on va dire c'est sa femme, elle m'envoie un message en m'insultant. Voleuse de mari comme ça, que ce soit la dernière fois, je te vois comme ça, je vais te régler ton compte. C'était la teneur, n'est-ce pas? Oui, elle m'insultait. Et tu sais quoi, mon frère, j'ai été guidée par le Saint-Esprit. Oui. Je t'assure que je savais que là, à l'instant même, c'était le Seigneur qui me guidait. Ce que je l'écrivais, j'avais tellement la paix en moi, mon frère. J'avais la paix parce que je savais où j'allais maintenant. Elle m'insultait, je disais, ne t'inquiète pas, je me repens de ce que j'ai fait, je te demande pardon. Et je disais, je me repens de ce que j'ai fait. Je disais ça. Elle me dit, oui, grosse machin. Tu as dit, excuse-moi d'avoir volé ton mari. Donc je m'excuse au nom de Jésus, pardonne. Je ne savais pas comment. Tiens, quand je lui posais la question, et c'est vrai, il ne me répondait pas, il ne disait rien du tout. Je ne savais pas. En plus, cette fille-là, je la connaissais. Physiquement, je la connaissais. Donc je dis, je te demande pardon. Pardonne-moi. Tu peux m'insulter, cet endroit, mais je me repens de ce que j'ai fait. Je te garantis que tu ne vas plus jamais entendre parler de moi parce que je savais où je m'étais engagée. Je savais où j'allais, je voulais servir Dieu. Donc, du coup, je lui ai dit ça et c'était fini, mon frère. Écoute, j'ai fermé mon téléphone, je l'ai enlevé et je m'étais engagée, je me suis engagée avec le Seigneur. Et là, il n'a plus jamais appelé. Plus jamais jusqu'aujourd'hui. Oui, tu n'as jamais rêvé de lui, de ces bons moments. De toutes les façons, j'ai quitté Facebook, j'ai quitté les réseaux sociaux, je ne suis plus nulle part. J'ai tout bloqué. C'était le Seigneur. Si tu vas dans un supermarché aujourd'hui, vous êtes deux, vous rencontrez tout ce monde dans un voie publique, comment tu vas faire? Qu'est-ce que la réaction? Je me suis beaucoup posé la question. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne me fera plus rien du tout. Ok, donc ça veut dire que le coup de foudre a été nettoyé totalement, n'est-ce pas? Oui, complètement. Okay. Maintenant, je te pose la question, puisque toi tu es encore un autre échantillon, ton mari actuel, tu l'aimes? Oui. Ok. Mon mari, pour te répondre honnêtement, je pense que avant, je m'étais pas engagée complètement, en fait. Vu qu'il y avait la dislocation dans ton cœur par rapport à celui-là. Exactement. Mais quand j'ai compris que il y avait le Seigneur m'appelait à autre chose, j'ai demandé au Seigneur de restaurer tout. Que je puisse vraiment dans mon foyer être une bonne femme pour mon mari et de lui donner cet amour encore plus à l'aimer, en fait. Et j'ai fait ça en prière. J'ai demandé au Seigneur vraiment de restaurer tout et que je veux vraiment, c'est cet homme-là que je veux parce que... Je crois qu'une fois de plus, il y a un problème de connexion là maintenant. Que j'étais l'os de son os et la chair de sa chair, comme on dit dans la parole de Dieu. Alors, ma soeur, je pose la question. Oui. Ton mari actuel, est-ce que tu l'aimes? Comment? Ton mari actuel, est-ce que tu l'aimes? Oui. Je veux donc, par ton expérience, que tu nous expliques la différence entre cette façon de l'aimer et ce que tu ressentais pour l'autre que tu voudrais. L'autre qui est parti. Ah oui, non, mais... Y a-t-il différence? Moi, je pense, mon frère, que il y avait un esprit derrière. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y avait un esprit derrière. Ah oui, oui. Ça, parce que là, c'était terrible. Tu étais oppressé, tu pensais que tu aimais en réalité. Oui, je pense, oui. Donc, alors maintenant, avec ta base, là, avec ton exemple, et puis je crois que la seule question peut encore dire, il y a des jeunes filles là-bas qui ont dû souffrir de ces choses-là, chacun a dégardé son cas pour écouter la tienne d'abord. Avec cela, tu peux donc faire la différence entre le coup de foudre et l'amour? Oui, je pense que le coup de foudre, c'est la mort, quoi. C'est la mort, c'est même pas, c'est la mort. Là, le coup de foudre, c'est même pas, j'ai l'impression que on t'oblige, quand je dis on, je me comprends, c'est quelque chose qu'on t'impose, comme si c'est un amour imposé, en fait, de force. Je sais pas comment dire ça. Mais pourtant, c'est toi qui sembles être l'acteur et l'actrice, mais il y a des êtres à l'extérieur invisibles qui manipulent cela. Voilà. Exactement. Et ça te pousse tellement dans la pression, comme si tant que tu n'as pas accompli cela, tu ne peux pas te satisfaire, il n'y a être calme. Voilà. En plus, ouais. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que tu es toujours attiré par des choses très perverses, quoi. Oui. Ouais. Oui. Pour pouvoir assouvir cela. Dans mon cas, pas forcément. dans mon cas, c'était très subtil, pas forcément. Mm-hmm. Moi, c'est très rusé. Oui. Explique-toi, ma soeur, donc ça veut dire que le coup de foudre peut se manifester de temps en temps que tu as tellement d'accomplir certains fantasmes, alors que dans d'autres cas, tu as comme l'impression qu'il faut arriver avec la personne pour se marier. De façon simple, c'est ça? Ça peut être. En fait, ça peut aussi dénoter le ce que d'un manque. Satan, il nous connaît. Mm. Satan nous connaît. Il sait par exemple les blessures qu'on a, les manques qu'on a dans nos foyers, par exemple. Mm-hmm. Il va te faire doucement. Par exemple, la personne en face de moi, c'était quelqu'un avec qui je pouvais échanger intellectuellement. Mm-hmm. C'est quelqu'un avec qui je pouvais partager ce que je n'avais pas avec moi à l'époque de mon expérience. Mm-hmm. Ce que je n'avais pas, ce qui m'avait toujours manqué. Donc j'avais ce complément. Il n'y avait même absolument rien de. Excusez-moi, sexuel, il avait rien de sexuel. Mmh. C'était un sentiment très bizarre. Mmh. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça pouvait paraître, par rapport à ceux qui me suivaient, à qui je partageais, ça pouvait paraître venu de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun sentiment, il n'y avait aucune attraction sexuelle. Mmh. C'était vraiment d'âme à âme. Âme à âme. Âme à âme. Mmh. Tu vois? Donc Satan, il nous connaît. Il sait comment mettre la piqûre. Mmh. Il sait. Ah non, mais moi c'était tout le contraire, c'était la perversion même, quoi. C'était très sale, vraiment, je l'ai mal vécu, quoi. Oui. Je rends vraiment grâce à Dieu du fait qu'il m'ait délivré de ça, parce que waouh. Amen. C'était. Voilà. Merci vraiment pour vos deux témoignages. La sœur Odile, tu as quelque chose comme témoignage que tu as donné dans ce domaine, avant qu'il ne passe à une autre question concernant ce domaine sentimental, les intimités chrétiennes sale et reconstruite pour pouvoir aider d'autres personnes. Frère, c'est pas facile lorsqu'on ne vous voit pas sur l'écran, parce que vous me voyez. Quand il fait les gestes, vous pouvez me voir. Elle, on ne la voit pas maintenant, je n'entends pas non plus ce qu'elle dit. Où est la sœur Reine là? La sœur Reine, qu'est-ce que tu as dit de tout ce qu'on a dit? Alors, avec ça, maintenant tu peux essayer de définir, faire la différence entre quoi, le coup de foudre et l'amour avec tout. La soeur, Odile, si tu nous entends, c'est pas bon chez toi là, ça bug. La soeur, Odile, si tu nous entends, c'est pas bon chez toi. Essaie de... Oui, voilà. En fait, j'ai pas bien entendu la question. Pendant que tous les soeurs échangeaient avec le témoignage, tu entendais? Oui, j'ai suivi, oui. Alors, la question que je posais, c'est est-ce que tu as aussi, dans ton expérience, vécu l'une des choses dont on a parlé tout à l'heure pour la gouverne de tous ceux qui nous écoutent? L'amour et coup de foudre. Si oui, comment tu as géré? Sinon, ton cœur est-il insensible? Je ne sais pas si j'appellerais ça coup de foudre. J'ai vécu quelque chose avec quelqu'un. En fait, c'était quelque chose de fort comme ça, mais je n'appellerais pas ça coup de foudre. Donc, c'est comme on dit, à force de parler avec, comme tu disais, à force de parler avec la personne... on échange et de là naissent des sentiments, mais dans mon cas, je dirais peut-être que les sentiments étaient d'un côté tout le temps, comme les sœurs, j'étais celle qui avait les sentiments et j'ai l'impression que l'autre personne s'est joué de moi, c'est ce que je pense. Il a profité de tes sentiments, il a su que tu ressentais cela, et l'as-tu exprimé cela, ce que tu ressentais pour lui? Ben oui. Oui, je lui ai montré ça. Je n'ai pas du tout caché mes sentiments parce qu'elles étaient là. Mmh. Mais... Oui, et là, je pose la question, c'était de l'amour que tu ressentais ou c'était quoi? On appelle ça de l'amour, je ne sais pas, avec du recul maintenant, je ne sais même pas si c'était de l'amour, si c'était de l'attirance, ou comme on dit aussi, en fait, il y a des... Par exemple, on se met des critères. Je voudrais que mon homme soit comme ça, qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et bien après, comme la sœur dit, le diable, il nous connaît bien. Et bien après, il nous sert un plat comme ça et on mord dedans en plein dents. Il te donne les goûts que tu voudrais, quoi. Voilà, il te donne les goûts que tu voudrais. Une personne que tu es capable d'échanger avec lui, des trucs. Tout, en fait, toutes les qualités que tu lui avais demandé, mais après le venant, il vient après. Mmh. Quand on a déjà mordu dans la moisson. Mmh. Dans un autre cadre d'Ambéjé dans la sainteté, nous allons partager sur la déception amoureuse. Comment gérer cela, la déception amoureuse, d'accord? Avant de prendre quelques exemples, enfin, on va prendre un texte dans la Bible que nous allons lire et développer ces cas, ce que nous avons dit de vivre là-bas et voir comment les femmes ont toujours souffert dans un cadre de la Bible et voir comment le Seigneur a résolu cela. J'aimerais poser une question ou bien une ou deux ou trois questions encore. Dans les couples, souvent, il y a des gens se chamaillent, il y a des incompréhensions. Très tendues souvent au point où, pour les uns, les gens bagarrent au point où ils prennent le couteau. D'autres encore décident de se séparer. D'autres encore ferment les portes. D'autres dorment l'un au salon, l'autre dans la chambre des enfants s'ils en ont, ou bien à la cuisine, ou mieux encore au salon. Et très souvent, dans ce cadre-là, Satan profite pour mettre la pression. Et une seule pression dans les pensées, le divorce sera la solution. Comment gérez-vous en tant que chrétien ces gens d'esprit? Qui en a d'ailleurs vécu cela? Comment pensez-vous cela? Est-ce que ça vient de Dieu, toutes ces choses-là? Et comment survivre de cela? C'est lancé, la question est posée. C'est-à-dire, vous restez, vous pensez toujours au divorce, vous pensez au divorce. Quand votre partenaire dit quelque chose, ça vous énerve encore de votre vie. Vous avez comme impression que c'est lui le problème dans votre vie. S'il n'était pas là, vous ne serez pas là où vous vous trouvez. La solution, c'est le divorce. Vous pensez que la solution qui serait bien, c'est le divorce. Vous pouvez donc voir toujours la pression, et physiquement et spirituellement, vous dormez des songes tout autour de là. Et chaque fois quand la personne, votre partenaire vient, c'est uniquement dans ce sens-là que tout semble marcher. Vous comprenez, et même les activités, même physiques entre vous, montrent tout simplement que c'est comme s'il y avait une incompatibilité désormais. Incompatibilité d'humain. Quand vous parlez un mot, vous allez parler des A+, il va entendre A-. Les interprétations, le dialogue ne s'installe plus. Et on pense que c'est seulement le divorce qui est la solution. Avez-vous déjà vécu cela? Si oui, comment avez-vous géré? D'où vient cet esprit et comment en résoudre? La question est posée. Je peux parler, s'il vous plaît? Parle, la sœur Audit, ce sera une première pour nous et une bonne chose. Voilà. En fait, moi, dans mon cas, j'ai vécu ça, comme vous avez dit, mais seulement que moi, j'étais pas chrétien, comme vous avez dit, dans un couple chrétien. Moi, j'étais pas chrétien, c'est quelqu'un qu'on s'est rencontré. Voilà, on avait nos projets de s'installer ensemble et tout, mais en fait, de ce que je peux dire, on a mis les charrues avant on a mis les bœufs avant la charrue. Mmh. Voilà. Mmh. La charrue avant les bœufs. Oui. Donc, on s'est installés ensemble. On a eu un enfant sans que vraiment il y ait de réel engagement. Mmh. Donc, vous observez seulement. Les situations se sont manifestées comme ça. Donc, c'est devenu du jour au lendemain, comme je peux dire. Mmh. Voilà. C'est passé de je t'aime, tous ces doux mots-là qu'on se dit, à on n'en voulait plus et ça partait dans tous les sens. Il y en a marre. Il y en a marre de toi, comprends-tu ça? Voilà, c'est parti dans tous les sens, dans la violence, dans tout. Et voilà, tu dis A, ça devient B, tu dis bonjour, ça devient tu m'as insulté, ça. Voilà. Donc, les incompatibilités du monde. Tout ce que je voulais, c'était prendre juste la porte parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas une autre solution. Mmh. Tout ce que je savais, c'était juste prendre la porte et voilà. Mmh. Et qu'as-tu fait pour résoudre le problème, pour être en paix? Voilà, c'est ce que j'ai fait, prendre la porte. Avec le recul maintenant, en tant qu'enfant du Seigneur, qu'est-ce que tu penses par rapport à ta position? En fait, cela, je ne sais pas. C'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je pose les questions, parce que je ne sais pas dans ma situation, je suis dans quoi, c'est ça, point d'interrogation. La sœur Odile, tu remarques que de presque 2 heures de temps maintenant, c'est moi qui pose des questions ici. Dès le départ, je vous ai dit, demander de poser des questions jusqu'à jouer des musiques en fond sonore, vous n'avez pas posé des questions, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me pousse à poser des questions qui vous concernent, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est à vous de me donner les solutions maintenant. La sœur Odile, tu penses que quelle est ta position maintenant devant le Seigneur, maintenant, connaissant le Seigneur? Connaissant le Seigneur, je ne sais pas, parce que c'est pourquoi j'ai posé la question, comment on reconnaît que cette personne-là, c'était notre mari ou ce n'était pas notre mari ou c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, si je dis la vérité, je suis embrouillée. Voilà, maintenant, pas du tout. Tu permets donc que je pose la question davantage concernant ton cas particulièrement. Voilà. Depuis combien de temps tu es sorti de chez lui? Ou bien vous êtes séparés? Ça fait maintenant 7 ans. Avez-vous eu des enfants? Oui, juste un garçon. Un garçon. Et depuis que tu es parti, qu'a-t-il fait? A-t-il cherché une autre femme? Oui, je crois bien qu'il est avec quelqu'un. Mm-hmm. Quelqu'un. Et est-ce qu'il a essayé de te contacter pour que tu reviennes? En fait, il avait essayé, mais c'était pas sincère. Mm. Comment tu as su que ce n'était pas sincère, ma soeur? Ou mieux, comment l'aurait-il fait? Qu'il essayait de me dire qu'il veut revenir avec moi, il était déjà avec une autre. Mmh. Mais il a-t-il fait une seule fois ou il a essayé en réitérant plusieurs fois? Non, non, non. Juste cette fois-là, et c'est moi qui ai découvert qu'il mentait, que ce n'était pas vrai. Mmh. Mais là, vraiment, j'ai dit non, c'est un souci. Regrettes-tu ton acte maintenant? Regrettes-tu l'acte que tu as commis en quittant là? Si je regrette l'acte que j'ai quitté? Oui, comme tu as quitté, est-ce que tu regrettes? Non. S'il revient maintenant vers toi en disant qu'il veut t'engager encore maintenant avec toi, qu'il est sérieux, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais le pardonner parce que je me dirais que c'est le Seigneur qui me le ramène parce que je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, moi, dans mon, j'ai toujours dit ça, s'il revient, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'aurait ramené. Mmh. Donc, mais s'il revient, donc, il demande pardon, il dit qu'il veut retourner avec toi pour continuer à construire la vie. Il le fait, tu l'accepteras? Oui. Pourquoi ne fais-tu pas le premier pas, puisque c'était toi qui étais parti? Non, mais en fait, c'est pas moi qui suis parti, il m'a mis dehors. Excusez-moi. Voilà, donc, attends, je suis en train de noter toutes les questions parce que dans un mois encore, on va revenir sur ces cases. D'accord, je suis en train de noter. Si tu vois très bien, ma fille, c'est bien rempli là-bas. C'est ton cas là, comme ça là. Tu vois ça? Donc, toutes les questions que je te pose, que vous posez, je note avec chaque personne avec son nom. Voilà, donc tu dis, tu n'es pas rentré parce que c'est pas toi qui étais parti, c'est lui qui avait mis tes choses dehors. Donc, tu attends qu'il vienne prendre tes choses là-bas, tu te trouves pour le mettre dedans. C'est ça, ma soeur? C'est lui qui a mis dehors, c'est ce que tu as dit. Alors maintenant, oui, je pose la question, est-ce que tu l'aimes encore là où tu te trouves? Là, c'est ce que, en fait, je suis partagée. Mmh. Le Seigneur me demande, c'est pourquoi la dernière fois tu m'as dit que je ne sais pas si j'ai pardonné. Moi, je sais dans mon cœur que je l'ai pardonné. En effet. Mais comme tu m'as tu l'as pardonné, je pense parce que je me suis dit, si le Seigneur ramène la question, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. En effet, dans la dernière partie, nous étions en train de travailler, j'ai enlevé mon casque pour déposer là-bas. Il m'a demandé de te parler et je t'ai appelé. Je t'ai parlé de la parce que nous parlions avec la sœur Myriam. Et puis, il m'a revenu en disant que je te pose la question concernant ce même sujet. Tu as dit que tu avais pardonné et puis je suis resté tranquille, indemne. Maintenant, nous revenons encore dans ce même cas. N'est-ce pas, ma soeur? Tu l'aimes encore, c'est là où nous nous trouvons. C'est la 8e question. Oui, je crois bien. Je crois que je l'aime. Mmh. Tu attends quoi donc pour retourner là-bas? Allô, ma soeur. Allô, je oui, suis là. Oui, je m'excuse, ma connexion est un peu dérangée. Alors, je pose la question, tu attends quoi pour rentrer là-bas? Mais je ne peux pas rentrer parce que la personne, elle est partie. Donc, je n'ai même pas où rentrer, je vais rentrer. Ok. Alors, est-ce que tu peux fixer rendez-vous pour qu'on parle à toi de ce cas-ci, parce que ton cas est particulier, pour qu'on essaie de résoudre ces problèmes-ci? Qu'on parle avec qui? Avec lui, avec ton mari. Ça, je ne sais pas. C'est entre tes mains, ma soeur Odile. Veux-tu rentrer ou bien tu veux revivre dans le célibat et à cette distance? Oui, parce que je peux rien lui dire, je ne sais pas. C'est trop compliqué le cas. Ma soeur Odile, tu l'appelles, tu dis le frère Junior a demandé à lui parler. Point final. Et il veut vous parler de votre couple et de votre relation de la part du Seigneur. Tu dis tout simplement cette parole-là. Entre-temps, tu t'en seras débarrassé de ce message. D'accord? D'accord. Voilà, c'est donc, bon. je lui dis juste que le frère Junior veut lui parler de la part du Seigneur. Non, c'est pas veut lui parler. Veut vous parler par rapport à votre position de cette situation-ci. Oui. par rapport au Seigneur. Oui, je vais transmettre le message. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça fait, c'est le 9e point que nous allons examiner. Donc, on en est pas. Merci, ma soeur. Merci. On peut poser une question? Qui veut poser la question là-dedans? Frère. Ok, vas-y, la soeur Christian. Frère, qu'est-ce que base? On dit que, pour ce qu'elle base, on dit qu'elle est sa femme. Ils avaient fait comment pour être ensemble? Voilà. Et si maintenant, il a des enfants avec deux, trois femmes différentes, qui est sa femme? Bonne question. Salomon, sa femme était qui? David, sa femme était qui parmi les mille et les quelques femmes qu'il avait? Moi, toutes étaient ses femmes. Hein. Ça, moi, je n'ai pas vu. Ça, c'est clair. C'est que toutes sont ses femmes. C'est pour ça. Donc, ça veut dire qu'il peut alors rester avec toutes les femmes là. Exactement. Et c'est son droit devant le Seigneur en tant qu'homme. Donc, s'il a fait les enfants, frère. Bon, ok, donc si je comprends ton raisonnement, comme il a fait les enfants avec celle-là, il rejette celle-là, n'est-ce pas? Non, parce que je ne trouve pas ça. Je sais pas. Je sais pas. Je te pose une question, la soeur Christiane. La soeur Christiane, je te pose une question. Tu es issu d'une famille polygame, oui ou non? Non, réponds à haute voix. Si tu veux. Comment ça, si tu veux? Mon père était marié avec ma mère, il a fait un enfant de. Attends! Tu es issu d'une famille polygame, oui ou non? Mais c'est pas la polygamie. Ils n'étaient pas mariés. Hein? Ils n'étaient pas mariés avec l'autre femme. C'était sa maîtresse, comme ça. Ok. Qui est issu d'une famille polygamie ici? Non. Ok, le frère Frédéric, tu es issu d'une famille polygamique? Oui. Ton père avait combien de femmes? Il y a deux. Donc, on va prendre le frère Frédéric maintenant. Allons-y, doucement, d'accord? Il ne doit pas trop t'effrustrer avec le problème. Ce sont les questions que je vais poser à la soeur Christian avant de revenir pour conclure dans cette autre branche ici, avant d'entamer avec la prochaine séance que nous allons prendre ici. Alors, donc il avait deux femmes. Laquelle était la première? Ta mère est la première ou la deuxième? La deuxième. Ok, donc si la soeur Christiane, tu rencontres le père du frère Frédéric, tu dis qu'il chasse le frère Frédéric avec sa mère. Il croit au Seigneur Jésus. Tu dis à frère Frédéric et à son père de sa mère de quitter la maison rapidement. Frère, dans ce cas, ils sont mariés. Comme oui. Je sais que je crois que tu avais déjà parlé de ça, bien le repas du désordre. Dans ce cas, ils sont mariés. Moi, je prends des cas, parce que c'est le cas que je vis. Doucement, attends. La femme de l'autre côté a déjà aussi sa part de copain. Non, attends, non, suivons doucement. Nous sommes en train de parler des choses des grands, pas des choses de capouinage. Dans des villages où il n'y a même pas l'acte de mariage, le papa a au moins 7 femmes à la maison. Ce sont ses copines ou bien ce sont ses femmes? Oui, c'est ses femmes parce que tu m'as dit dans le village. Moi, j'ai bien posé la question de quelqu'un qui a fait des enfants un peu à gauche, comme les hommes malheureusement font aujourd'hui. Oui. Et puis maintenant, je ne pense pas que ces femmes soient ses femmes. Oui. Parce que, en général, cette femme, elle a aussi son copain après. Oui. Parce qu'ils sont séparés. Donc, on revient dans le cadre des Odile. N'est-ce pas? Si entre-temps, donc maintenant, le Seigneur veut réconcilier Odile avec son mari et que son mari s'est engagé dans le lien de mariage et s'est effectivement marié sur le plan de la célébration civile, tu penserais qu'il doit faire comment? Odile doit refuser maintenant de partir parce qu'il est déjà marié, c'est ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, elle va rejoindre ce mariage qui est déjà établi en tant que seconde épouse ou est-ce qu'il va chasser, déplacer et le caser? C'est la question que je te pose, ma soeur. Moi, je pense que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'elle rentre vers son mari. S'il est déjà marié, elle est déjà mariée, ça dit quoi? Si l'homme est déjà marié, s'il est déjà engagé avec une autre femme. Et avec elle, il était comment? Il était engagé au niveau de l'enfant. Il était au niveau de l'enfant. Ah, attends, dans ce cas, demandons-lui. Donc, on va demander. Frère, c'est Odile. Oui, je suis là. La soeur Christiane vient de dire que c'est à cause de l'enfant que son mari s'est engagé. Donc, avant ça, il n'y a pas d'engagement. L'enfant est seulement venu. Maintenant, il a dit que je m'engage derrière l'enfant, c'est pas toi. Ouais, frère, c'est très subtil. Tu sais bien que ce que c'est très subtil. Non. Il était avec elle. Mais si la femme, si la, de l'autre côté, il est déjà marié, j'ai dit bien marié, donc ils sont légalement mariés. C'est pour ça que je t'en ai parlé de légalement. Quand tu parles légalement, tu parles de l'acte de mariage. Oui, voilà. Ils sont mariés devant les hommes. Allons-y doucement, devant qui déjà? Devant les hommes. Entre Odile donc, et cette femme-là, qui serait mariée légalement devant Dieu? Entre Odile donc qui n'est pas mariée devant les hommes avec l'acte civil et cette femme là avec qui il serait marié devant les hommes, qui sera légalement marié devant Dieu sur cette base là suivant ce raisonnement? Les temps sont tellement trop compliqués parce que là Odile, elle, tu vas me dire qu'elle est mariée, comment on va dire selon Dieu elle est mariée avec cet homme, disons selon Dieu, mais imagine qu'avant Odile cet homme avait aussi un enfant avec une autre femme. Et imagine aussi que Odile aussi, en de temps, avait eu l'enfant. Comme elle est sortie depuis 7 ans, elle avait aussi eu un autre enfant avec un autre homme. Donc, ça, on est d'accord entre nous que l'affaire là devient compliquée. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. La position de la femme n'est pas la position de l'homme. C'est ce que la Bible répond. Donc, tu veux dire que on va accepter le fait que l'homme reste avec toutes les femmes? C'est pas possible. Moi, je vis le cas de figure parce que j'ai vu le Seigneur m'a clairement montré que ça va s'arrêter. Je vis le cas de figure. Dieu n'est quand même pas dans ces choses, frère. Mmh. Bon. Faut quand même. Hein? Voici la sœur Odile. Tu connais la pensée de Dieu pour elle et son mari, alors? Pas du tout. Je ne me suis pas engagée pour la sœur. Hein. J'ai juste posé une question pour dire que vraiment, ça commence à être compliqué. Donc, j'en ai profité pour sauter et dire que si il y en a plus complexe que cela. C'est donc pour cela que vous avez vu tout à l'heure, j'ai noté dans le cadre de la Bible, vous allez voir que c'est cas par cas. D'accord? Mm-hmm. Alors maintenant, pour la sœur, si ça vient de Dieu, franchement, la sœur Odile, je crois qu'encore une fois de plus, une interruption là, je crois que ça va aller. Alors que nous sommes en train de voir de bonnes choses ici. Donc si c'est ça, il est capable de il suscite toutes les situations à ta faveur. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ma sœur. On se limite trop aux hommes. Il faut arrêter ça. C'était une question que je pose. Oui, c'est parce ça. Que à un moment, quand tu t'as. Moi, je vis tellement ça, quand il a été contre le mur que je me suis assise et dit Seigneur, oui. Que ta volonté soit faite. Mais il y a des cas comme ça. Comment expliquer si tu dois discuter avec une soeur demain? Comment lui dire? Que lui dire? Il faut lui dire qu'elle part pour demander la voix de Dieu exactement. Parce que le cas d'un mari n'est pas le cas d'un autre. Amen. C'est exactement de ça dont il est question. D'accord, ma soeur? Raison trop, ça c'est assez. Non, en fait, on a besoin de raisonnement. Mais au-delà des raisonnements, il faut la position de Dieu. Tu vois? C'est ce que nous allons voir maintenant dans les Saintes Écritures. Ouvrons Jean chapitre 4, je vais vous montrer quelque chose maintenant. D'accord? Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Dans le cadre de Bamba Iba, il y a 6 enseignements sur le mariage. Mais remarquez très attentivement que je n'ai pas encore parlé de divorce. D'accord? Le moment vient, on va y arriver. Il y a des gens qui sont divorcés physiquement là devant le Seigneur, enfin, comme on le dit, comme les lois sont tellement faciles chez vous pour divorcer, et que devant Dieu ne sont pas divorcés, vous voyez. Et il y a des gens qui ont effectivement fait ça, que c'était nécessaire pour eux justement, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils s'y réunissent. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardez très attentivement. Avant de lire cela, je vais vous expliquer Matthieu chapitre 17, chapitre 19. Je crois que quelqu'un a fait mention tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 19, les pharisiens vont poser la question au Seigneur Jésus. S'il est possible, enfin, je vais seulement glisser de façon sommaire, on va y revenir dans l'enseignement proprement dit. Il demande au Seigneur s'il y a des motifs quelconques pour lequel on puisse répudier sa femme. Le Seigneur Jésus dit, il ramène le problème au commencement. Et il lui remet encore la question en disant, dans ce cas, pourquoi Moïse a-t-il permis de répudier sa femme? Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1. Il lui dit, Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur, n'en était pas ainsi au commencement. Quand le Seigneur Jésus commence sa parole, il dit, n'avez pas lu qu'au commencement, le créateur fit l'homme et la femme. Il dit, ils ne sont plus un, mais ils sont deux. Puis Jésus conclut que l'homme donc, ne sait pas point ce que Dieu a joint. Je veux que vous souligniez dans ces phrases-là que Dieu a joint. vous encadrez bien que Dieu a joué, vous encadrez cela. Et si vous voulez méditer concernant le divorce n'importe comment, il faut que ces mots-ci résonnent dans votre esprit. Dieu a joué. Alors, il ressort donc dans un système de mariage, dites mariage, des relations entre un homme et une femme, dans ce cadre, parce qu'il faut qu'on, chaque fois on précise comme ça, parce qu'on est arrivé au siècle, on peut se marier avec les animaux, on peut se marier homme et homme, femme et femme. Donc, dans le cadre du mariage dont parle la Bible, c'est-à-dire un homme et une femme, si c'est Dieu qui a joint, l'homme, aucun, n'a le pouvoir de prononcer la sentence de séparation. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Donc, la question dont demeure dans chaque cas de mariage, dans chaque cas de figure, la question demeure, c'est Dieu a-t-il joint ce mariage? C'est parce que toutes les relations entre les hommes, vous pouvez vivre sans temps. Ça ne veut pas dire que nous sommes pas, parce que vous avez vécu longtemps, vous êtes marié devant le Seigneur. Vous devez savoir cela. Vous devrez savoir cela. Et par conséquent, si quelqu'un donc doit s'aventurer dans cette voie-là pour prononcer quelque chose, c'est pour ça que les juges de la terre auront des comptes à rendre à Dieu. N'en parlons pas avec vos lois européennes ou là-bas. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. De prononcer à la préfecture, on amène les gens à la préfecture à deux, ils signent un acte pour dire que nous nous divorçons. Ils se séparent. Il paye de l'argent, c'est quand même terrible. Alors vous allez voir, au cas par cas, la question maintenant c'est, est-ce que Dieu a joué? Est-ce que c'était Dieu qui était impliqué dès le départ de cette relation? Cette question doit être répondue. Si c'est répondu par l'affirmative que Dieu était impliqué, chaque personne doit, ça veut dire que cette mariage, même si vous avez fait longtemps, vous devez vous réconcilier ou bien vous restez indemne. Si vous réconciliez, vous allez dans le cadre de la réconciliation, il y a des concessions qu'on va devoir faire. Il faut traiter avec les esprits en amont, avant d'arriver maintenant à racoler les cœurs en aval maintenant. Si c'est non, c'est-à-dire que si Dieu n'était pas impliqué, même si vous étiez lié, que vous, votre émotion vous lie, vous devez vous séparer. Vous voyez les différentes choses, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit que Dieu ne sait pas point ce que Dieu, que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joint. Et si Dieu ne vous a pas joint, vous n'avez pas fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas, mes soeurs? Parce que c'est lui qui doit être témoin du mariage. Le mariage, c'est son institution à lui, ce n'est pas l'institution de quelqu'un. Et par conséquent, si vous n'êtes pas dans son institution, ce que vous venez de faire, c'est pour vous. Voilà, cela étant dit, Jean chapitre 4. La sœur Anne, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir mon frère. Voilà, donc ta connexion est très bonne. Donc, tu peux nous lire à partir du verset 1, on suit tous ensemble. Juste à ce qu'il dise stop. Donc Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ce disciple était allé à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Stop. Voilà. Donc Jésus a fouillé dans les questionnements et dans la conversation qu'il parlait avec lui jusqu'à ce qu'il a décelé quel était le problème. Remarquez bien dans ce verset 16, le Seigneur Jésus, elle a demandé à boire de cette eau-là pour ne plus venir à faire cette chose de vanité que les hommes ont toujours à chercher quelque chose et que ça ne finit pas. Mais Jésus lui dit, va et appelle qui? Ton mari. Ton mari. Continuons. Verset 17, jusqu'à ce qu'il dise stop. Chaque fois qu'elle dit stop, on va y aller. La femme répondit, je n'ai point de mari. Stop. Jésus lui dit. Lorsque le Seigneur lui pose la question, est-ce que le Seigneur sait ou il encore connaît qui est cette femme du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il connaît? Amen, amen. Voilà. Et est-ce pourquoi? Enfin, la question pourquoi n'a même pas de sens là. Savez-vous que le fait qu'il a de parler de cela, a de montrer non seulement son problème et la solution qu'il a d'amener à son problème, vous saviez ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, il dit, appelle ton mari. Fait, dans cette circonstance, cette femme-ci cherchait tout sauf le mari, pas vrai? Mais c'était le véritable problème qui nuisait sa vie là-bas, pas vrai? Alors Jésus, notre Seigneur, lui dit, va appeler ton mari, sachant que elle n'a pas de mari. En fait, ça, la question, on va voir tout à l'heure. Et puis, la femme dit, elle n'a pas de mari. Je veux que vous compreniez très attentivement, souvenez-vous du développement que j'ai dit tout à l'heure en citant Matthieu chapitre 19. Tu peux être avec quelqu'un sans que ce soit ton mari, ainsi de suite. Maintenant, regardez. La femme dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit quoi? Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus explique en fait, car tu as eu cinq. Tu as eu quoi? Entouré cinq maris. En cela, tu as dit vrai. On commence encore. Verset 16, regardez encore. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris. Puis continue. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc cette femme-ci a quitté la maison pour venir puiser l'eau. L'homme se trouve à la maison. N'est-ce pas, mes soeurs, mes frères? Bergie de la Sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà, on peut parler maintenant un peu, n'est-ce pas? Alors, notre Seigneur lui dit, tu as eu cinq maris. Donc, en clair, en langage simple, elle a eu cinq relations avec cinq hommes différents. Jésus les appelle maris. Bon, on va appeler ce langage-là cinq maris. Il dit, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors, je vous pose la question. Vous, en tant que femme, est-ce qu'on vous voit en route? On attrape vos mains, on vous amène à la maison, qu'avez-vous habité ici? Non. Pourquoi vous habitez sous le toit d'un homme ensemble? Il faut quand même un prérequis de conversation, dans la conversation, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que l'homme vous flatte avec toutes les autres techniques qu'on puisse avoir, à moins que vous soyez envoûté, vous marchez comme des moutons. Mais on vous drague, comme vous étiez de l'eau. Vous acceptez, on vous dit des choses, vos cheveux sont belles, tu as le regard, vous revolvez, tu as tiré sur moi la première, ainsi de suite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je suis touché, c'est foutu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Les femmes dans la sainteté, là. Et donc, vous voyez, effectivement, on tire sur toi, c'est dans la sainteté, on vous dit maintenant que je veux que tu sois ma femme. N'est-ce pas, mes frères? Et puis vous venez, vous vous accordez, vous commencez à vivre. La Bible ne nous dit pas combien de fois, combien d'années cette femme-ci a vécu avec cet homme-ci dans la maison. Le nombre de temps importe. Mais ceci vient de dire, quel que soit l'engagement qu'il y a entre les deux, ce n'est pas la volonté de Dieu, d'après ce qu'on veut de lui là maintenant. Mais pourtant, elle a quitté la maison. Si elle quitte la maison, du moment où elle quitte sa maison pour venir au puits de Sichar là, pour puiser l'eau, les gens qui la considèrent comme quelqu'un qui est marié, qui est dans une maison avec un homme. Ou mieux, on peut utiliser le langage qu'elle est en relation avec un homme. Et on peut même dire que non, je ne veux pas toucher la femme, c'est la femme d'autrui. Au point où, si cette femme s'est déroulée avec, peut-être s'il venait voir Jésus là-bas en train de parler, il va dire, tu parles quoi avec ma femme? C'est la dernière fois, ancien bordel. Je savais effectivement que c'est comme ça que tu fais. Peut-être tu vas encore maintenant chercher celle-ci. Ta vie n'est pas en règle, tu es toujours. La dernière fois, tu as eu ça, tu m'avais dit que c'était fini, que moi je suis le dernier. Tu vois, si tu parles quoi avec ce type, tu n'es même pas marié. Tu fais quoi avec lui ici enceinte, n'est-ce pas, mes soeurs? Mais l'ascension de Dieu, c'est sont-ils mariés? Non. Voilà. Alors, ça veut dire que parmi les cinq personnes et le six maintenant, que cette femme s'est eu, personne parmi eux n'était son mari. Fermez la Bible. Donc vous voyez que avant de s'aventurer avec les choses du mariage, il faut savoir de quoi il est question. Jésus pouvait donc dire, mais regardez très attentivement, regardez la conséquence de ce qu'on venait de lire. La conséquence de ce qu'on venait de lire, c'est que cette femme ne doit plus retourner avec cet homme-là, directement. Parce qu'on vient de lui révéler qu'elle est dans le péché. Bénis dans la sainteté, bonne nuit. Que à Dieu... condition d'être chrétien aussi. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Merci, très bien. On raisonne trop mal. Au revoir. Au revoir, sœur. La source de mes grâces, mon